Mais moi, je crois profondément qu'Internet peut être un formidable auxiliaire de démocratie participative. Il faut faire cette éducation du pays pour qu'il apprenne que désormais, son avenir, c'est le métissage. Si ce volontarisme républicain ne fonctionnait pas, il faudra alors que la République passe à des méthodes plus contraignantes encore. Bonjour à tous, chers amis. Je suis heureux de vous retrouver pour cet épisode numéro 17 de notre deuxième saison de démocratie participative. Émission qui, comme vous vous en doutez, sera consacrée essentiellement à ce deuxième tour des élections présidentielles françaises. Dans la deuxième partie surtout, mais il y aura des allusions aussi dans la première. On suit les résultats en direct puisque nous sommes dimanche soir. Il est quelle heure là en France là? C'est 19h. 19h08. Ouais. 19h08. On a eu évidemment les premières tendances qui ne nous ont pas étonnés, hein, c'est évident. Puisque Marine Le Pen est donnée à environ 37% des voix. En tout cas, ce sont les sondages qui circulent. Maintenant, ça vaut pas le dépouillement, mais enfin bon, c'est une indication qui devrait à peu près se confirmer. Alors, est-ce que ça sera un petit peu plus ou est-ce que ça sera un petit peu moins? On le saura un peu plus tard. En introduction, je rappelle que vous pouvez nous écrire sur notre boîte email democratieparticipative@mail.ru. Pas d'accent sur démocratie et pas d'espace de point ou de tiret entre démocratie et participative. Donc, je répète, démocratie participative en un seul mot, @mail.ru. Notre chaîne YouTube, évidemment, abonnez-vous, recevez ainsi les alertes des nouvelles émissions, puisque vous avez une petite introduction de quelques minutes qui vous amène vers la plateforme, vers le site internet qui accueille l'émission en son entier. Alors, le site internet, vous le connaissez, démocratieparticipative.biz, là encore, démocratie participative en un seul mot, .biz, B-I-Z, et notre page Facebook. Alimente les dernières news, etc. Et l'émission y est aussi publiée et vous pouvez nous contacter. Je vais présenter les membres qui sont cette semaine avec nous, qui suivent cette élection aussi, évidemment. Alors, je commence avec Derek, hein, Derek le plus méridional des Munichois. Comment ça va, Derek? Ouais, ça va, Gandalf, salut. Écoute, on suit ça un petit peu, bon, ça trop de surprise, mais bon, on va voir, quoi. On va voir ce que ça donne, les réactions, tout ça. D'accord, j'enchaîne avec Capitaliste. Capitaliste qui suit aussi cette élection avec attention, salut Capitaliste. Bonjour tout le monde. Ah, moi je ne suis pas au meilleur de ma forme, mais... Je ne suis pas déçu non plus. Hein. Pour moi, la politique, c'est un combat sur 100 ans. Donc, je ne fais que rajouter une petite pierre, c'est tout. D'accord. Bon, bah, c'est la philosophie de notre ami Fulbert, national-socialiste belge. Comment ça va, Fulbert? Un des piliers de l'émission, Fulbert. Oui, bonsoir, Gandalf. Bonsoir à tous. Un peu circonspect. Moral très moyen. Enfin bon, c'est jamais, hein. regardons la suite quand même, quoi. Mais ça va. Et Captain America, comment vas-tu, Captain? Ah bah écoute, moi je vais très très bien, mon cher Gandalf. Bonjour aux auditeurs, bonjour aux participants, et comme chaque semaine, j'ai envie de vous dire, en avant les nègres. En avant les nègres. Peut-être que MacDav nous rejoindra plus tard au cours de l'émission, ce n'est pas certain, ceci étant dit. Alors, je vais commencer cette émission avec notre rubrique traditionnelle, hein. On va pas non plus parler uniquement que d'élections, mais c'est quand même un peu le fil rouge, hein, de tout ce qui se passe. Alors, en marge de... comment dirais-je, de ce deuxième tour, on a eu des gens qui se sont distingués, enfin des gens, bon, vous allez voir de qui je fais... À qui je fais... C'est relatif, hein. Oui, c'est très relatif, effectivement, qui se sont distingués et qui nous ont rappelé les permanences ethnographiques que certains voudraient nous voir oublier un peu trop vite. Et là, je parle de Christiane Taubira, hein, Christiane Taubira, que sur cette émission on aime particulièrement, dont on a souvent parlé d'ailleurs. Hein. Je me rappelle. Christine. Oui, bisous, ouais. ouais, avec du. Enfin, je me mets la tête dans un sac vinyle et ensuite je fais un bisou si tu veux. Alors, c'est cité donc par Valeurs Actuelles, hein, qui nous cite l'anecdote. Et donc c'est Christiane Taubira qui s'exprime sur France Inter. Alors je cite Christiane Taubira, hein, guyanaise. Le débat de mercredi a montré aussi ce que c'est que la sauvagerie. Ce que c'est la sauvagerie. Parce que cette dame-là, elle a montré, au-delà de sa vulgarité, de sa grossièreté, ce que c'est qu'une société sans règles. Ce que c'est qu'une société où on fait n'importe quoi. Ce qu'on veut... Et on se croit au-dessus de tous, a expliqué Christiane Taubira, invitée de France Inter. Alors elle a poursuivi, Madame Le Pen n'est ni républicaine, ni démocrate, et j'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer, ce n'est pas un slogan pour moi. Elle n'est pas républicaine parce qu'avec ses obsessions tribales, elle ne conçoit pas la nation civique, elle ne conçoit pas que nous soyons différents et que nous puissions faire nation. Elle ne conçoit pas que nous soyons singuliers et que nous puissions être des citoyens égaux. Elle ne le conçoit pas, c'est un impossible pour elle. Alors, il y a deux éléments centraux dans cette déclaration qui ont retenu mon attention. Et je vais commencer avec le premier bon, que j'ai cité. Donc là, c'est la sauvagerie supposée de Marine Le Pen. Alors là, je vais commencer avec Derek. Derek, qu'est-ce que ça te fait dire, ça, cette Taubira qui donne des points de sauvagerie, comment ça marche, ça? Ah, moi, si j'avais pas su que c'était une négresse, j'aurais dit que c'était une juive, hein, parce que là, au niveau inversion accusatoire, mon Dieu, que c'est beau, quoi. Hein. Taubira qui parle de sauvagerie, quand on connaît, hein, le potentiel des nègres à se découper entre eux, enfin, et à rigoler, hein, à se découper en rigolant, c'est assez rigolo. Ouais, je vais incruster un petit truc, là, c'est quand elle parle du chip. Du chip, tu te rappelles? Ah, tu connais ça? Oui. Alors, comment dirais-je... Le bruit de bouche, l'espèce d'onomatopée... africaine, ça veut dire quand j'aime pas quelqu'un, le dédain, comme elle avait dit ça. Alors, chers auditeurs, si vous croyez que, on change de nationalité en passant une frontière ou en recevant un passeport, bah vous allez découvrir que l'Afrique, déborde, dégouline au-delà des frontières strictes de ce continent maudit. Et que ça passe par la culture. Alors voilà, petite session culturelle avec Christiane Taubira qui nous explique ce que c'est que le chip. Il y a quelque chose qu'on fait dans la société créole, dans les sociétés créoles, donc en Guyane mais ailleurs aussi, c'est un langage très féminin et c'est ce que ça m'inspirerait. Ça s'appelle un chip. Chip. Un chip. Parfait. Merci beaucoup, Christiane Taubira. J'aime concentré de dédain. Concentré de dédain. C'est ce que vous inspire Marine Le Pen? C'est qui, ça? Voilà, donc ça, c'est donc Taubira. Petite leçon donc, de d'anti-sauvagerie de Christiane Taubira adressée à Marine Le Pen. Hein. Voilà, Marine Le Pen qui, visiblement, donc, est une sauvage. Hein, voilà, c'est une sauvage, une folle sur la terre de ses ancêtres dans son pays. Et c'est Christiane Taubira qui nous l'assure. Est-ce que quelqu'un veut rebondir là-dessus avant que je passe au deuxième point de son argumentaire qui m'a particulièrement frappé et intéressé Alors, non, parce... si... Ouais. Si, si. Moi, ce qui m'intéresse, alors c'est peut-être ce dont tu vas parler, mais c'est le fait qu'elle parle du nationalisme civique. Oui, bah, je vais y venir, mais d'abord, sur le premier point, voilà. Donc, oui, non... alors, pour parler de la sauvagerie, effectivement, on pourrait notamment parler du fait que, je sais pas, son fils, il est pas en prison, ou alors il a pas évité la prison alors qu'il a dealé de la drogue et qu'il a tabassé des gens ou un truc dans le genre. C'est donc possible. Je pense qu'au niveau sauvagerie, dans la famille, elle s'y connaît pas mal, quoi, hein. Bah déjà, la Guyane, niveau sauvagerie, c'est pas mal, hein. Je veux dire... C'est assez costaud, effectivement. Alors bon... Oui, et puis bon... Ouais. Vas-y, non, mais vas-y. Oui, alors donc, deuxième point de notre discussion, comment dirais-je, autour de Christiane Taubira, qui commente donc le débat avec Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Je vous rassure, vous allez pouvoir aussi avoir... Enfin, je vous rassure, vous inquiète, vous aurez notre avis sur le sujet. Donc ça, c'est l'histoire donc des obsessions tribales de Marine Le Pen. Les obsessions tribales de Marine Le Pen. Alors, vous l'aurez bien compris, évidemment, comme l'a bien dit Derek, c'est vraiment typiquement une inversion accusatoire. En fait, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais ces gens-là ont une... Alors c'est vrai des juifs, des musulmans, enfin des maghrébins, des arabes, c'est vrai des nègres... Est-ce que tu serais en train de parler des métèques, peut-être ? Oui, des métèques, mais il y a quelque chose de récurrent, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ont une audace à toute épreuve. Enfin, vraiment, ils ont un culot, ils n'ont aucune notion de pudeur, quoi. Ça, c'est clair. Ils n'ont aucune notion de pudeur. Et les types, salopent ton pays, font n'importe quoi, et quand tu le leur fais observer, ils te regardent... Alors d'abord, ils sont outrés... Et ensuite, ils t'accusent de ce qu'ils sont en train de faire. C'est absolument extraordinaire. Et alors donc, on a donc après l'accusation de sauvagerie, on a les obsessions tribales de Marine Le Pen. Donc, alors, je vais quand même, avant de donner la parole à nos amis, je vais quand même citer Christiane Taubira il y a quelques temps. C'était le 7 mai 2015, dans le Figaro. Dans le Figaro, hein. Les gens qui me ressemblent sont plus nombreux. Et il vaut mieux ne pas trop défier ce monde-là. Donc Christiane Taubira, c'est quelqu'un qui dit, en gros, nous les basanés et nous les nègres, on est de plus en plus nombreux grâce à l'immigration en France, donc en Europe. Et maintenant, politiquement, on pèse, et si vous nous emmerdez, il y aura des représailles. C'est cette négresse qui te dit que Marine Le Pen est obsédée par son tribalisme. C'est quand même fascinant, je veux dire. C'est quand même fascinant. Mais ils ont un aplomb absolument invraisemblable. Ils ont une impudence sidérante. Et ils poussent. Et ils savent, et bon, ça c'est le point faible des Blancs, ils savent que les Blancs sont des gros niais et des gros naïfs, qui par ailleurs se laissent psychologiquement dominer par des gens agressifs. Ah, donc, il doit y avoir des gens, des gauchistes, qui doivent se dire ah, mais, hey, que c'est merveilleux, voilà, une parole sortie d'un esprit si fin. Hein. Alors, je suis sûr qu'il y en a à Paris, à Libération, qui se dit ça. Hein. Fulbert, ouais, vas-y. Oui, si fin, si miasque. C'est non, fin, l'air c'est... est un animal. C'est comme les animaux. C'est-à-dire qu'ils sentent la peur chez les gens. Et quand ils sentent la peur chez les gens, un peu comme les chiens, ils se sentent un peu en position de force. Et c'est ce que pensaient les Anglais. Hein. Les Anglais pensaient vraiment ça jusqu'à très longtemps. Et en fait, il faut dominer le nègre parce que la première chose dont il a conscience, c'est du rapport de force. Comment on peut faire... les gens, enfin les esclavagistes dans le sud des États-Unis pour avoir beaucoup d'esclaves alors qu'ils étaient au final assez peu nombreux. Et ben ils utilisaient le rapport de force qui est le rapport des forces des nègres. Ils avaient leurs nègres à eux pour dominer les nègres. On pourrait faire ça, nous. On pourrait avoir nos propres nègres, on pourrait leur couper les couilles et puis en faire des sortes de super eunuques pour comment dire, pour gérer la population africaine en Europe. Non. Je pense ça. Là, j'achète pas ça, moi. Non. Retour à la case départ pour tout le monde. Hein. Ouais, non, mais pour le mettre dans les bateaux, tu vois. Il va falloir penser à cette étape de la remigration, l'étape européenne, quoi, tu vois. Quand même étape africaine. Il y a une étape africaine. On n'a pas été chercher directement les esclaves dans les tribus africaines. On a acheté les nègres à d'autres nègres. Ben, on fera la même chose. On fera la même chose pour la remigration. À envisager. Alors, Hopman America voulait parler donc d'un nationalisme civique, hein, donc nation civique, tout le Bataclan, j'allais dire. Bon, je sais pas. Bon, voilà. Vas-y, Captain, parle-nous de ça, de ce passage-là sur le sujet-là. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, il y a plusieurs choses à dire. Premièrement, ils en parlent quand ça les arrange, parce que en Guyane, ils sont quand même à majorité entre métèques ou entre nègres, et ils envisagent de rester comme ça. Hein. Je vais reprendre les propos d'Aimé Césaire, qui parlait en 1967 d'un génocide par substitution, je ne sais plus quoi, lorsque les métropolitains, donc les blancs, venaient à l'époque, commençaient un peu, c'était pas massif, aux Antilles, et que les Antillais étaient envoyés, enfin, allaient en métropole. Et je vais dire également que ces gens-là me font doucement rire, parce que non seulement ils sont, ils sont conscients de l'existence donc, de ces différentes, des races, des différentes identités et compagnie, mais ils ne veulent vraiment, en fait, que manipuler tout ça à leur avantage. Par exemple, le mec du cran, c'était Louis Maritain, c'est ça ? Il y avait eu une élection de Miss France, il avait dit à propos d'elle, alors qu'elle était assez jolie, il disait « Je regrette qu'elle soit blanche comme la neige ». Donc, un mot, s'il y a parmi les auditeurs des gens qui estiment qu'on peut être français et être un nègre, je vous le dis tout de suite, non. Non seulement parce que pour des raisons historiques, les Français ont toujours été des gens de souche européenne, hein, depuis des milliers d'années, et en plus parce que même si vous avez votre bon ami, quand il y en a 10 000, et comme disait Gandalf, à partir du moment où il représente un certain poids, ces gens-là ont des revendications. Le nationalisme civique, ça mène toujours à l'échec. Bah oui, en fait, le truc, c'est qu'il faut comprendre ça, c'est-à-dire que eux, quand ils disent, quand les basanés disent « Ah oui, il faut une nation civique », ça veut dire c'est une nation française débarrassée des Blancs. Il faut comprendre ça, c'est-à-dire le nationalisme civique, c'est l'étape transitoire utilisée par tous les bamboulas, les bougnous, les autres, pour nettoyer les Blancs. Donc ils retournent, ils sont pas cons, je veux dire. Enfin, ici, ils sont cons, mais ils sont pas cons à ce point-là. Donc ils savent retourner la dialectique républicaine, démocratique, égalitariste, contre les Blancs, c'est ça le vice, c'est-à-dire que eux ont une conscience raciale, même un instinct racial, d'ailleurs de prédation, ils identifient le Blanc comme étant l'ennemi parce qu'ils ont un puissant sentiment d'infériorité, ils ont un très gros complexe d'infériorité, donc ils cherchent à compenser par une haine et une volonté de destruction, donc ces gens ont toujours à l'esprit de réduire les Blancs, de les acculer, de les détruire par tous les moyens, même si après ça donne Haïti, évidemment, hein, c'est-à-dire retour à l'âge de pierre, mais ils utilisent le discours ambiant pour avancer. Donc tout ce qui est autorisé. Donc en fait, c'est très marrant, ce sont des gens qui sont des militants raciaux ou racialistes, mais qui utilisent le discours démocratique pour pouvoir avancer. Donc c'est une duplicité totale, et la grosse négresse Taubira fait ça. Voilà. Mais ils font tous ça, ceci étant dit, hein. C'est pas plus elle que les autres, hein. ils sont tous comme ça, c'est leur instinct qui les pousse vers ça. Et c'est fascinant, parce que, alors qu'ils sont comme ça, donc je dis, duplicité, utiliser la rhétorique démocratique alors qu'en fait il y a un agenda racial, ils disent de Marine Le Pen, elle est obsédée par son tribalisme. Là tu te dis, c'est quand même beau à voir, c'est quand même beau à voir, quoi. Voilà. Bah, c'est comme cette avocate là de Fort-de-France, qui avait dit, je sais plus comment ça s'appelle, Maryse ou quelque chose, Maryse quelque chose, ou Patricia, je sais plus quelque chose, qui avait dit à la radio, et d'ailleurs son hôte, qui était lui aussi un Nantillais, avait dit, vous êtes un petit peu trop loin, on va vous taper dessus. Elle a dit, oui, je m'en fous, c'est pas grave. Elle avait carrément dit, les Blancs sont sortis de l'humanité. Eux, les Blancs, n'ont pas conscience, ne peuvent pas se reconnaître en nous. Ils ne nous voient pas en tant qu'êtres humains, ils sont sortis de l'humanité parce que si, parce que ça, mais la bonne femme, personne ne lui dit rien. Alors bah, moi, je vais lui dire un truc, là, juste j'en profite 3 secondes. Non, c'est les nains qui sont jamais rentrés dans l'humanité, et c'est parce qu'on est précisément conscient de ça qu'on ne vous considère pas comme des êtres humains. Voilà. Ou alors des êtres humains en rabais, quoi. Mais c'est pas de notre faute. Hein, c'est pas de notre faute si l'Afrique est un énorme trou à chiasse. C'est pas de notre faute si vous avez rien inventé, surtout, voilà. Et surtout, nous, on pense ça, mais ceux qui, les amis des nègres, hein, voilà, qui sont merveilleux, les Africains, etc. Ben, ils ont pas, enfin, c'est au niveau de leur réflexe, hein, c'est cette suraffection qui n'a pas lieu d'être. C'est un mépris inconscient, quoi, parce qu'ils savent. Ils savent qu'ils ont affaire à des... C'est-à-dire le paternalisme, c'est un racisme, quoi. Bah, le paternalisme qu'on voit en France, qui dégouline de partout, parce qu'il y a le paternalisme et le maternalisme, j'ai presque envie de dire, parce que la passion du nerf est quand même quelque chose qui existe, qui est très très fort chez les femmes blanches. Et je ouais. parle même pas du truc chez sexuel. Chez les Français, en général. Je parle pas du truc sexuel. Hein. Je veux dire, ce besoin... Je veux dire, la maladie de l'adoption... du négrillon du Congo, c'est un truc de femelle de 30 à 40 ans, mais ça existe aussi chez les cinquantenaires ménopausés, c'est absolument terrible. Et là, on a une grosse, grosse névrose, et c'est quand même dans l'idée de fond, c'est que ce qui est bien avec le nègre, c'est que lui, c'est un enfant pour l'éternité. C'est-à-dire qu'à 14... je veux dire, même à, ouais, entre 10 et 14 ans, c'est terminé, son développement, c'est fini, il va pas plus loin, tu vois. Et c'est commode, puisqu'en fait, toutes ces bonnes femmes ont un instinct maternel dégénéré, et le nègre leur offre cette possibilité de se mettre en valeur avec le nègre. Mais c'est comme avec les chiens, hein, je veux dire. Il y a plein de bonnes femmes aiment avoir leurs petits chiens, leurs petits chats, etc. Bah, c'est pareil, mais là, c'est avec un truc qui... Bon, bah ouais, c'est un truc simiesque, quoi. Mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Oui, en plus de ça, elles jouissent de les dominer intellectuellement. Ce qu'elles ne te l'avoueront jamais, mais ça leur fait plaisir de les dominer intellectuellement. Ouais, non, donc bon, le paternalisme ambiant en France en faveur du nègre est évidemment complètement... c'est un racisme inversé, c'est pas un comportement normal, enfin, on le voit bien, quoi, je veux dire... D'ailleurs, on le voit d'autant plus que l'affection qui existe en direction du nègre de la part de ces gens-là est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus restreinte dès lors qu'il s'agit des Maghrébins et des Arabes, parce qu'eux, ils sont très dominants. Il n'y a pas moyen de jouer le paternalisme avec des Maghrébins, ça n'existe pas, ça. ça n'arrive pas. Et on voit bien que, bah, par exemple, pour faire pleurer Margot... sur le sort des petits Tunisiens, il n'y a pas tellement grand monde. Hein. On préfère faire chialer sur le Nigeria, le Congo, la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Ça, c'est beaucoup plus prégnant. Beaucoup plus prégnant. Ouais, alors, pour revenir à ce que disait Haussmann, il a dit quelque chose de très intéressant, c'était avec cette fameuse avocate effectivement de Fort-de-France, qui disait en fait que les Blancs étaient sortis de l'humanité car ils avaient racisé les Noirs. Et, c'est beau ça. Ouais, en fait, ils les avaient racisés, mais en fait, c'était les Blancs. C'est-à-dire que, en disant les Blancs, elle-même, elle racialise son discours, mais on n'en a pas conscience. Parce qu'en fait, le racisme pour un Noir, c'est pas un concept, c'est pas une abstraction, c'est un instinct. En fait, oui, c'est une encule. C'est-à-dire que les gauchistes n'osent pas avouer qu'il y a des races. Donc les mecs disent. En fait, donc, c'est ça qui est fascinant avec ça, je vois cette escroquerie du terme racisé qui ne veut absolument rien dire. Enfin, c'est une escroquerie communiste qui a été récupérée ensuite par les négrillons qui sont incapables d'inventer quelques concepts que ce soit. Mais cette histoire de racisé, c'est vraiment une escroquerie parce que, en réalité, ils voient bien qu'il y a des comportements raciaux, comme tu l'as dit, des instincts raciaux. Je veux dire, si les nègres se bousculent au KFC. C'est pas qu'ils ont été éduqués pour bouffer du KFC. Hein. Bon. Donc ils vont vers le poulet, c'est comme ça. Bon. C'est une propension. Il y a plein de choses de cet ordre que font les nègres. Par exemple, pour parler on que de... On salue notre ami Frédéric Dorlivier. Ouais, bah tiens, salut Fred, tu mangeras un morceau de poulet si tu nous entends. Comment dire et donc, tous les sociologues d'extrême gauche, ils le voient ça. Donc en fait, les mecs te disent, ah ouais, mais en fait, s'ils font ça, c'est parce que c'est les blancs qui les ont assignés à une appartenance raciale. Genre, tu vois, c'est les blancs qui ont décrété qu'ils seraient noirs, les mecs, tu vois. Donc en fait, faudrait être daltonien, tu vois. Faudrait être daltonien pour que ça se passe mieux. Mais ça existe en anglais, ça. Ils appellent ça « colorblind ». C'est-à-dire que ça désigne des gens qui ne veulent pas voir les différences ou l'existence raciale. Bah ça, c'est la France, c'est champion mondial de ça. Hein. Bah c'était le sketch de Bigard hein, à l'époque où, je sais pas si vous vous rappelez, c'était les années 90, où le mec disait, bah, mais là, celui-là, il est... Ah, tu as vu le noir, lui bah, le noir, quel noir Non, je dis ça parce qu'on a un problème avec le racisme, nous, en France, hein. Pas tellement avec les Noirs et avec les Arabes, c'est avec le racisme qu'on a un problème, nous, en France. Ah oui, maintenant, en France, on est baisé, on n'a plus que deux solutions, nous. Ou alors, on fait partie des 14% qui sont très, très racistes, hein. Ou alors, on fait partie des 86% qui sont pas racistes du tout. Pas du tout. Ah bah, ils voient même plus la différence. Vous leur dites, il est de quelle couleur, le monsieur, là-bas? Je sais pas, je m'en rends pas compte, je suis pas raciste, moi. Non, mais attends, arrête tes conneries, il est noir ou il est blanc? Honnêtement, je peux pas dire, Fais voir mieux, peut-être noir, je sais pas. Vous voyez, il nie la différence. Tellement on a les jetons, maintenant, d'être raciste, hein. C'est que ça traumatise, hein. Moi, j'ai un copain comme ça, il me dit, moi, maintenant, un noir me demande 100 balles dans le métro, je lui donne. Si jamais c'est un blanc, j'ai dit, va chier, t'as qu'à trouver du boulot. Et ouais, c'est ça, c'est français, quoi. On est tous pareils, hein. C'est vrai que la République a bien empoisonné les esprits. Hein. Ouais, ouais. C'est, bon, là, c'est plus colorblind, hein, c'est smellblind, surtout. Hein. Ah ouais, non, mais bon, c'est... Bah oui, ça va avec, effectivement. Non, mais enfin, bon, du coup, cette histoire de raciser, c'est ça. Ils disent, bon, les races n'existent pas, c'est entendu. Par contre, les Blancs, obsédés par leur propension coloniale et leur sentiment de supériorité, créent des races inférieures et les mettent dans des cases, voilà. Alors, du coup, ils ont décrété qu'il y avait des Noirs. Mais en fait, les Noirs, ça n'existe pas. Tu vois ? Donc si le nègre va au KFC, ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit un nègre qui vienne d'Afrique, hein, où ils bouffent tous du poulet, en tout cas ils ont une propension à bouffer du poulet, ça n'a rien à voir avec ça, c'est parce que des Blancs leur ont dicté le fait qu'ils étaient des Noirs, alors qu'ils ne sont pas Noirs, et qu'ils devaient donc bouffer du poulet en conséquence, alors que normalement ils ne boufferaient pas du poulet, ils boufferaient, du riz, ou un truc comme ça, quoi, tu vois. C'est pour vous dire l'asile mental dans lequel évoluent ces gens. Hein. Voilà. Et les nègres répètent ça. Alors ils disent, voilà, on est racisés, on est trucs, on est machin, etc. Alors que, faut pas nous raconter de crack, je veux dire, les nègres sont ultra racistes. Je veux dire, ils sont ultra racistes. Il n'y a pas plus raciste qu'un Antillais, hein, par exemple. Ah non, mais c'est hallucinant, je veux dire. Moi, ce qui me fait mourir de rire, c'est... Bon, t'as la version accusatoire, mais c'est surtout que quand tu les écoutes tous, ils se contredisent les uns les autres. Parce que, par exemple, Maryse Duhamel, la négresse avocate de Fort-de-France, qui a dit il y a un an ou deux, nous, non-blancs, nous avons notre vision du monde, qui consiste à dire qu'il n'y a pas de race, qui consiste à dire que l'autre en face de moi, c'est moi. Un blanc n'est pas capable de se reconnaître dans un noir. Et à côté de ça, tu prends... À côté de ça, tu prends les déclarations justement du mec du cran ou de Taubira ou de plein d'autres personnes qui te disent, le mec du cran, il te dit, ah ouais, bon, Miss France, c'est quand même dommage qu'elle soit pas noire. Ah bah alors, je croyais que vous étiez capable de vous reconnaître dans tout... Non ? Ah bon ? Ah bah d'accord. Ouais, c'est voilà. Ça. Et l'homme, c'est l'ampute permanente, en fait. Non, mais il y a Gilles Verdez, quand même. Lui, il se reconnaît dans les négresses. Ah oui, ça, c'est autre chose. Oula, sinon, ça, je connais pas. Mais en fait, c'est le mec qui joue à mon poste, qui bosse avec Hanouna, qui sort avec une négresse, avec Fatou, là. Oh, là. C'était ultra cringe, quoi. Ah oui, alors là, c'était chaud. En plus, le mec s'est fait recaler par sa nana une dizaine de fois, un truc comme ça. Il a été obligé de la ramener en direct sur l'émission pour que la meuf accepte à demi-mot. Genre, le mec se met à genoux, c'est ultra cringe. Et la nana le regarde avec, tu sais, un regard, genre, putain, il me fait de la peine. bon, allez, ouais, d'accord, je t'épouse. Arrête. Non, mais franchement. Ouais, c'est le programme politique de Macron. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu les leaks, l'humiliation du blanc a enseigné à tous les petits garçons. Ouais, bah, on va y revenir sur tout ça. Bon, je passe au sujet numéro 2, les gars, de cette rubrique autisme radical. Et on quitte pas l'Afrique, hein, on quitte pas l'Afrique. C'est une Sénégalaise très courageuse, je dois le dire. J'ai quand même été assez impressionné par sa détermination, son courage. C'était assez beau à voir. Qui a pris position fermement contre le raz-de-marée fasciste et raciste incarné par le Front National et Marine Le Pen. On l'écoute tout de suite et puis on se retrouve tout de suite derrière. Marine Le Pen, les Sénégalais. Nous on sort pas aujourd'hui, on fait pas les bagages, on prépare pas, on n'est pas peur de toi. On va rester ici. Ici en France qu'on va rester, tu peux pas nous faire sortir ici. On n'est pas peur de toi. Tout ton campagne qui fait que l'islam immigré, laisse l'islam immigré, laisse-nous tranquille Marine Le Pen. S'il vous plaît, laisse-nous tranquille, tu peux pas nous faire sortir ici, on n'est pas peur de toi. Vive la France, vive nos grands-pères qui sont venus ici pour défendre la France. Tu peux rien faire pour nous les immigrés. Tu vas nous laisser tranquille. Pars au Sénégal. Quand tu pars au Sénégal, il y a des rires là-bas qui s'appellent de Gaulle. Des rires de Gaulle. Donc nous, on est des Français. On est plus que Français qu'à toi, Marine Le Pen. Laisse-nous tranquille. Personne vote pour toi. Personne. Attends jusqu'à le demi-tour, le deuxième tour. Tous les Africains qui sont ici, en France, qui ont des nationalités, vous partez tous pour voter pour Emmanuel. Tout le monde vote pour Emmanuel. Marine Le Pen, laisse-nous tranquille. Tu nous saoules. 40 ans, ton père il est là, il voulait gagner, être président, il va le être jamais. Parce que quand tu es là pour fatiguer les immigrés, pour saouler les immigrés, pour saouler l'islam, tu gagnes rien du tout. Nous on est fiers d'être Sénégalais, on est fiers d'être Algérien, on est fiers d'être immigrés, de fils d'immigrés. C'est mon père qui a grand-père qui a défendu la France, qui a fait tout pour France. Tout ce qui est dit, c'est le boulot des immigrés. Toi tu es là à nous saouler ton campagne. Immigrés, l'islam. Immigrés, l'islam. Marine Le Pen, laisse-nous tranquille. Jamais tu vas être président. Jamais. Personne peur de toi. On n'est pas peur de toi. Nous, c'est Dieu qui nous ramène ici. On va rester ici. Jusqu'à ce que Dieu il nous dit de quitter ici. Mais ce n'est pas toi qui vas nous faire peur. Ce n'est pas à cause de toi qu'on prend nos bagages pour partir. Là, tu rêves là. Là, tu rêves. Qui aime le vent, racontez la tempête. On n'est pas peur de toi. Nous, on n'est pas peur de toi. Nous, les fils de tirailleurs sénégalaises. Nous, les fils de tirailleurs algériennes. On n'est pas peur de toi, Marine Le Pen. Tu vas nous laisser la paix. Fils-nous la paix. Tu gagnes jamais et ton père, ça fait 40 ans, il voulait être président, il ne l'est pas. Laisse-nous tranquille, Marine Le Pen. Alors, donc, s'il vous plaît, là, laisse-nous tranquille, là. Dis donc, là, tu nous laisses, tu arrêtes ou on va t'agresser, là. Cette Sénégalaise, elle est courageuse. Hein, alors, s'il vous plaît, arrête. Les immigrés, l'islam, l'amalgame, nous on est chez nous, on fait pas les bagages, tu nous fais pas peur. Bon bah le moins qu'on puisse dire c'est qu'ils se sentent à l'aise. Hein. Ils sont chez eux. Ah bah je veux dire, oui, non, c'est... Mais, vive la France. Je crois qu'on est d'accord sur le fait que ni nous, ni les nègres n'ont identifié le Front National comme une menace sérieuse. Je crois qu'on peut le dire, hein. Je suis pas sûr que si... Par exemple, bon allez, simple fanfaronnade, fantaisie, je suis pas sûr que si Adolf Hitler était aux portes du pouvoir, cette immonde négresse putride s'aventurait à afficher sa sale gueule dégueulasse pour dire que ils vont aller nulle part. Hein. Je suis pas sûr que le ton serait le même. Alors, petit tour de table quand même. Allez, je vais commencer avec Derrick, hein, qui aime, hein, lui, les belles Sénégalaises avec des lunettes. Hein, bon, courageuse, mais pas trop quand même. Hein, faut pas être trop fou. Qu'est-ce qui t'inspire là, hein, ça te dit quoi tout ça là, cet exotisme. Ça donne envie de partir à la chasse, écoute. Hein. C'est un safari. Les animaux comme ça, c'est un beau spécimen en tout cas, hein, c'est bien sauvage. Sinon, qu'est-ce que... Non mais c'est ouais, bien quoi, oui. Je veux dire... C'est le patriotisme quoi, tu vois. Vive la France, hein, on a compris. Hein. Vive la France, là, dis-donc là. Voilà, exactement. Mais ça sonne juste, et puis elle précise bien, hein, c'est nous qui avons sauvé la France. Alors oui, je précise, comme au cas où vous ne le sauriez pas. Ah oui, mais toujours, oui. Ah, j'allais oublier, effectivement. C'est ces spécimens-là, ces nègres analphabètes, qui sont venus nous sauver de la barbarie en 1945. Donc, merci. Voilà, merci les nègres. Alors, je précise là-dessus, ouais, juste, parce que là bon, on fait quand même un travail d'éducation populaire. Il n'y a pas que Michel Onfray qui fait d'éducation populaire. Hein. Et alors, je sais qu'en France, là, il y a encore chez beaucoup de gens, toutes les vieilleries là, de la libération, toutes ces conneries-là. Bon, bah alors, il faut savoir que si vous achetez la version officielle de la Deuxième Guerre mondiale, si vous achetez la résistance et le gaullisme, vous avez rien à dire à une négresse qui vient du Sénégal en vous disant « Ah là, dis donc, là, mon grand-père tirailleur sénégalais, il t'a sauvé, là, dis donc, là, je veux les papiers, là, tu vois ?» Bon, c'est compliqué tout ça, tu vois. Et alors que quelqu'un comme moi, par exemple, qui me sent tout à fait libre de dette à ce niveau-là, hein, je suis très à l'aise pour dire que moi, je suis plutôt le péril blond, ça me va plutôt bien, moi, je veux dire. Donc, en fait, il y a un truc, moi, qui me semble très choquant là-dedans, c'est que elle a raison. Comme tous ces générations d'Arabes illettrés ou de Chinois travailleurs qui nous le répètent à longueur de temps, ils sont effectivement bien plus français que nous. Et ce, pour une seule et simple raison. La France et sa République, exactement. La France, les valeurs de la République, le fait d'être républicain, le fait d'être français de nos jours, c'est quoi? C'est le nationalisme civique dont parle Taubira, à l'heure actuelle, pour bien sûr avancer les pions de sa communauté, comme l'a fait Siam Asbach devant Juppé pour avancer les pions de sa communauté. Mais effectivement, nous autres, autochtones, nationalistes, on va dire, autochtones, oui, on peut dire. Mais ouais, autochtones, donc nationalistes ethniques, hein, raciaux, nous ne sommes pas aussi français qu'eux, puisque nous, notre conception de la nationalité se base sur l'ethnique et non pas sur une idée. Et nous ne partageons absolument pas cette idée qu'est être français de nos jours, pour eux. Voilà. Donc ils sont bien plus français que nous. Il va probablement falloir... là, c'est des pistes de réflexion. Hein. Bon, moi, de toute façon, je suis plutôt dans la veine du nationalisme européen, de toute façon. Mais bon, on pourra toujours m'objecter que le nationalisme européen, c'est une idée très vague, ça a besoin de réalité, tout ça. Alors bon, peut-être un nationalisme gaulois, je ne sais pas, il faudra peut-être réfléchir à quelque chose de cet ordre. Mais c'est vrai que sur le marché du nationalisme civique, cette Sénégalaise a raison, elle a plutôt le vent en poupe. Je pense que pour les Macron, enfin le Macro maintenant, on va pouvoir l'appeler Macro premier, voilà, on a eu Flamby, maintenant on a Macro premier, je pense. C'est vrai que bah, ça c'est plus l'avenir de l'Hexagone déjà, hein, c'est... Parce que bon, les petits blancs frileux repliés sur eux-mêmes, d'ailleurs, en plus, qui sont même pas chez eux, parce que la France a toujours été une terre d'immigration et métissée, donc c'est un peu bizarre, on sait pas trop pourquoi il y a des blancs, d'ailleurs. Mais enfin, bon, c'est pas eux qui vont dans le sens de l'histoire, quoi. On est un petit peu des reliques, en quelque sorte, donc voilà. Qui veut embrayer sur cette négresse avant que j'enchaîne? Oui, j'aimerais bien enchaîner, d'ailleurs. J'aimerais bien enchaîner... Fais-toi plaisir. J'aimerais bien enchaîner une Sénégalaise, en fait. Tendancieux, ce que tu dis. C'est tendancieux, ouais. Oui, je sais pas. Ah, non. Oh, là, Binti, bonjour. Non, attendez. Moi, j'étais déjà Binti, dans le vieux... Binti, nous entends-tu? J'étais déjà dans le vieux sud, là, moi. J'étais dans le vieux sud, le vieux sud américain. Oui, oui, non, mais on avait compris ça. On avait compris. Bien sûr. Alors, sans transition, rubrique numéro 2, fatigue démocratique. Alors, c'est-à-dire que dans notre monde d'obscurité, oui, c'est vraiment le bon terme en plus, d'obscurité, de mélanine dont le taux monte inexorablement, une lueur d'espoir. C'est Rechatoudet qui l'indique, une étude européenne a été menée pour sonder les opinions des jeunes européens, Et il y a eu une surprise, nous dit Rocha Today. Alors, je ne sais pas si Rocha Today était satisfait ou pas satisfait, mais en tout cas, voici ce qu'ils disent. L'étude révèle que seulement, entre guillemets, 52% des personnes interrogées considèrent la démocratie comme la meilleure forme de gouvernement. Ils sont tout de même 62% à penser que c'est le cas en Allemagne et 66% en Grèce. Alors que les jeunes Français, 42%, Polonais, 45% et Italiens, 42% sont plus sceptiques. Donc il n'y a que 42% des jeunes Français qui considèrent que la démocratie, c'est la meilleure forme de gouvernement. Bon, ça avance un peu, ça avance un peu quand même. Ouais, ouais. Qui veut me parler de la démocratie là, à ce sujet? Tiens, Fulbert, qu'est-ce que ça te dit ça? Alors on voit que l'enthousiasme pour la plutocratie qu'est en réalité donc la fameuse démocratie, puisqu'on est en pleine élection présidentielle en France, je pense que là, pour les plus naïfs, ils auront pu regarder comment le processus a été mené de bout en bout. Hein. Je veux dire, effectivement, hein, il n'y a pas de garde rouge au coin des rues. La police politique, même si elle fait son petit boulot en loose day, n'arrête pas les gens encore tout à fait. En tout cas, pas le quidam. Mais avec un bon travail d'ingénierie sociale, avec une bonne presse, avec une bonne manipulation financière, etc., on arrive quand même à atteindre ses objectifs. Alors, Fulbert, lueur d'espoir, quand même? Non, pas trop, bon, tu dis on n'arrête pas les quidam chez nous, donc c'est la démocratie. Oui, je suis d'accord, c'est la démocratie, c'est vrai. La démocratie, c'est la loi du plus grand nombre, et comme en général le plus grand nombre est composé de crétins, fatalement, la démocratie va vivre longtemps. Ça me rappelait quelque chose tout à l'heure qui m'échappe pour l'instant, malheureusement, mais non, la démocratie, pour moi, ça n'a... C'est bien une démocratie, contrairement à ce que racontent certains qui disent « nous vivons plus en démocratie ». Ces gens-là ne sont pas très réalistes. Nous sommes bien dans une démocratie. Oui, mais enfin, je voulais dire, ce qui était le point positif, c'est qu'il y avait que 42% des jeunes Français, par exemple, qui pensaient que c'était la meilleure forme de gouvernement. Donc ça veut dire qu'il y a quand même 58% des jeunes qui sont dubitatifs ou qui n'y croient pas du tout. Je veux dire, donc c'est, il y a quand même une remise en cause intéressante là. Je veux dire, le terreau, il est vraiment au scepticisme vis-à-vis de la démocratie. C'est pas mal quand même. C'est vrai, mais enfin là, moi j'attribue cela plus à une perte d'espoir de la part des 58% plutôt qu'à une réelle vision, une réelle compréhension de ce qui se passe. C'est l'espoir qu'ils ont perdu qui les rend dubitatifs. Du moins, c'est ce que je crois. Oui, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais c'est peut-être le climat nécessaire, parce que de toute façon, la démocratie, en réalité, génère toujours le désespoir. Hein. Je veux dire, au final, ça se conclut toujours de la même façon, c'est-à-dire dans un océan de corruption, avec des incompétents à tous les niveaux, et dans le chaos généralisé. C'est toujours comme ça, la démocratie. Donc, je pense que bah, la démocratie produit ses fruits et que les gens commencent, enfin bon, surtout dans la jeunesse, ça commence. Je veux dire, on n'est pas face à une jeunesse extatique, hein, visiblement, quoi. Magda, vous voulez dire quelque chose là-dessus? Non, c'est très français. On a quand même un côté très bonapartiste, très très royaliste, et on est quand même l'un des pays qui attend le plus, on va dire, l'arrivée d'un homme providentiel. Donc, il n'y a rien d'étonnant, c'est une constante historique. Bah, les Italiens, ils sont à 42 aussi, je crois, 42 à peu près. Ils sont pas, je veux dire, ils ont pas une grande histoire autoritaire. Hein. Oui, non, mais il y a pas le matraquage anti-fasciste ou anti-nazi en Italie qu'en Allemagne. Parce qu'en fait, le fascisme en Italie n'a pas été si traumatisant que cela. Enfin, Mussolini a fini, comme on le sait, pendu. Mais il faut savoir comment ça s'est terminé, ça. Parce que la rue, c'est autre chose. Faut quand même préciser que Mussolini n'a pas été assassiné par le peuple. Parce qu'il faut quand même bien le dire. Il a été assassiné avec une, sur ordre des Britanniques, des services de renseignement britanniques, et de la vermine rouge qui a mis la main dessus. Donc il faut quand même préciser que c'est une collaboration entre les communistes et les Anglais qui a mené à l'exécution de Mussolini. Parce qu'évidemment, si Mussolini avait été arrêté, compte tenu du nombre de supporters qu'il avait dans toute l'Italie encore, il est très probable qu'il aurait, il aurait été épargné. Ça aurait été très difficile, en fait, politiquement, de l'abattre, quoi. Enfin bon, c'était un aparté. Quelqu'un d'autre veut rajouter quelque chose là-dessus, ou bien je passe à l'anecdote suivante de la semaine? Non? Pas, c'est bon. Alors, rubrique numéro 3, chers amis, guerre raciale. Guerre raciale, voilà, c'est un peu l'anecdote, qui en dit long, parce que ça va illustrer la deuxième partie où on va rentrer un petit peu dans la question politique de la semaine, bon, que vous avez bien compris qu'il s'agirait évidemment des élections présidentielles. C'est ce qui se passe au quotidien en France, je veux dire, c'est documenté, c'est renseigné, c'est dans la presse écrite, régionale ou dans la presse nationale, c'est sur les radios aussi quand même assez souvent, sur internet on trouve ça facilement, parfois la télévision, c'est la violence immigrée. Alors, après 40 ans ou 50 ans d'immigration de masse, la violence immigrée, c'est certainement pas une découverte. Maintenant, il y a le facteur islamique qui s'y associe. Et ça nous donne, voici cette anecdote à 7. Je vous lis ça, c'était dans le Midi Libre. Alors, nous, les Arabes, avec Daesh, on violera vos femmes et on les tuera. Voilà l'anecdote. Que s'est-il réellement passé ce 1er mai lors de l'interpellation de ce Sétois de 49 ans ayant bu plus que de raison, donc il picole, hein, c'est un bougnou qui a picolé, et qui est complètement sorti de ses gonds vis-à-vis des fonctionnaires de police qu'il appréhendait puis qu'il interrogeait. Le mis en cause a été présenté ce mercredi 3 mai dans l'après-midi à l'audience du tribunal correctionnel de Montpellier pour outrage, menace de mort, rébellion, apologie publique d'un acte de terrorisme et dégradation d'un bien public, soit au total 5 délits. Au dire des forces de l'ordre, il aurait prononcé « Espèce de fils de pute, je vais te crever. Toi, ta femme et tes gosses, j'ai une calache. » Avant d'enchaîner, « Nous les Arabes avec Daesh, on est plus stratégiques que vous, on violera vos femmes et on les tuera. » Une expertise psychiatrique a été demandée par le tribunal avant de pouvoir juger ce chauffeur livreur en pleine crise identitaire, je cite le Midi, en pleine crise identitaire, actuellement en rupture familiale. Pour autant, au vu des risques de réitération ainsi que de la gravité des faits, le mis en cause a été placé sous mandat de dépôt jusqu'au 31 mai où il sera jugé. Alors, avant notre pause musicale, qu'est-ce que vous en pensez, chers collègues, de ce... Il a été atteint, hein, comme... Oula, pas tous. Je vais commencer avec Derek. Derek. Ouais, il a été atteint comme beaucoup de Maghrébins, hein, de... d'une maladie, d'une pathologie qui est, je crois, transmissible par un petit peu toutes les voies, qui est le déséquilibrisme, hein, encore oui. Un déséquilibré. Bah, il parle franchement, je trouve, moi je le salue, c'est-à-dire il dit « nous les Arabes oui. ». Nous les Arabes, alors que bon, je comprends, est-ce que c'est un Français de papier? Est-ce que c'est un ressortissant tunisien, algérien? Je ne sais pas. Et nous, France, les Arabes, avec Daesh, on va tuer vos femmes. Alors ça, c'est intéressant, c'est le rapport à la femme. Pourquoi vos femmes, tu vois? Pourquoi les femmes? Pourquoi pas vous, quoi? Je veux dire, on va vous tuer, vous, voyez, ouais, vous, c'est normal. Vos femmes, tu vois. Parce que pour tout peuple, toute civilisation, ce sont les femmes qui sont les plus importantes. La valeur biologique et civilisationnelle d'un homme a toujours été bien moindre. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on doit reprendre le contrôle de ce que font nos gonzesses, parce qu'elles font de la merde actuellement. Il faut bien comprendre que une bonne femme et 10 000 hommes, imaginons, catastrophe, hein, il reste une bonne femme et 10 000 hommes. Bon, c'est fini, c'est plié, hein, un gosse tous les 9 mois, pff, c'est mort. 10 000 gonzesses, un homme, c'est bon, tout repart. Et c'est bien pour ça qu'à travers tous les conflits, les femmes ont toujours été le centre d'intérêt, hein, des guerres. C'est parce que si vous prenez le contrôle de l'utérus des femmes, vous prenez le contrôle de la destinée d'un groupe quel qu'il soit. Alors je pense que c'est évidemment pas aussi intellectualisé de la part de ce brave homme, hein, qui a été injustement détenu d'ailleurs, alors que comme l'a bien précisé le Midi Libre, c'est surtout un problème familial et une crise identitaire très importante, hein, faut quand même le comprendre, mais d'instinct en fait. C'est-à-dire que d'instinct, il y a une appétence pour la domination, et humilier un homme, c'est évidemment s'emparer de ses femmes. Donc je pense que, t'as raison dans ce que tu dis, hein, mais dans le mécanisme psychologique sous-jacent, c'est la volonté de domination que partage absolument toute la vermine maghrébine, hein, je veux dire, absolument toute. Et c'est bien, ça s'exprime ouvertement. Et j'aime bien le petit côté... alors nous, les Arabes, on va quand même réexpliquer pour la millième fois aux Maghrébins, les gars, vous êtes juste la pourrie du monde musulman. Il n'y a aucun Arabe sur cette terre d'Arabie Saoudite, du Golfe et d'autres pays arabes qui vous considèrent comme des Arabes. Vous n'êtes pas des Arabes, vous êtes des fins de race d'Afrique du Nord et vous êtes considérés comme tout juste bon à laver les chiottes des Saoudiens. Donc atterrissez un petit peu, hein. Vous n'êtes pas des Arabes. Voilà. En fait, ce sont des fils de pute, mais au sens strict, propre sens du terme. Hein, oui, vraiment. C'est ça. Bah, Alger, j'avais lu un livre, c'est dommage, j'ai pas la référence. C'était un livre sur l'histoire d'Alger. C'était pas piqué des hannetons. Hein. Et on apprenait par le menu que Alger était un bordel à ciel ouvert, un des plus importants de toute la Méditerranée. Et quand on dit des Algériens, en tout cas de la région d'Alger, quoi, même encore aujourd'hui, que ce sont des fils de pute, c'est vrai au sens strict, ce sont des fils de pute. C'est-à-dire que les Turcs, les Levantins, mais tout ce que vous pouvez imaginer, est venu baiser leurs femmes, et ça donne l'Algérien de base. Ce qui peut expliquer quelques trucs, quand même. Ouais, en plus, il y a un taux de consanguinité qui crève le plafond. Enfin, c'est vraiment, enfin, génétiquement, c'est pas les Carthaginois, quoi. Hein. C'est pas les descendants d'Hannibal. Ils arrêtent de fantasmer, les mecs. Ah, bah, l'Algérie, c'est vrai. Oui, non. Autant le Maroc a quand même une histoire marocaine. Il y a un état marocain. Il y a un fond historique indéniable. Bon, la Tunisie aussi, tu l'as bien dit, quoi. Alors, l'Algérie, c'est le trou noir du Maghreb, et c'est catastrophique, hein, je veux dire, c'est catastrophique. Hein. Catastrophique. Hein. C'est pour ça, l'algérisme mental. Enfin, bon, voilà, donc Montpellier, voilà, A7 et Montpellier, dans cette belle région de Montpellier. J'aime bien Montpellier, j'ai été à Montpellier une fois, j'avais dû parler ça dans une émission, mon passage à Montpellier, Ça m'avait frappé. J'avais gardé un très bon souvenir de nègre roulant en 4L sans pneus. C'était assez frappant. Oui, il y a un très beau zoo à Montpellier. À ciel ouvert, tu veux dire ? Oui, effectivement. Alors, il y en a qui disent, on m'a dit, non, mais t'as pas vu le bon côté de Montpellier, en fait. Parce qu'il y a un très... c'est très beau, etc. Oui, bah, c'est... attention, je veux dire, je sais pas... Regarde... Bon, allez. Allez, j'y vais, je me lance. Regardez un peu en Afrique, les anciennes villes coloniales. Bon, bah, on parlait d'Alger, bah, prenez Alger. Oui, bah, Alger, vous regardez les murs, ça a été construit par les Français. Hein. Alors, c'est haussmannien, c'est magnifique. Bon, vous regardez la rue, vous regardez ce qui se balade dans la rue. Bah, écoutez, les gars, c'est ce qui est en train de se passer à Marseille, c'est en train de ce qui se passait à Paris, etc. C'est-à-dire que vous avez le tiers-monde qui est en train de déambuler au pied de bâtiments qui sont, pour certains, des chefs-d'œuvre d'architecture, quoi. C'est vraiment la poubellisation, bon, en l'occurrence de l'Europe, de l'Occident, mais de la France en particulier, et voilà, hein, c'est lancé, là, les gars, c'est lancé. Enfin, bon, vous le savez comme moi, mais... Ah, tu m'étonnes. Non, mais en fait, l'Algérie française tenue par des Latins, hein, en général, c'était quand même plus des Espagnols, des Italiens, et des gens qui venaient du Sud, ouais. Ça aurait pu en faire, en fait, le pays le plus riche d'Afrique. Ce qui était le cas au temps des colonies. Et c'est une poubelle. Ouais. C'est une poubelle à ciel ouvert. Bah voilà. Tout s'explique. C'est la génétique. Et... Bah allez, on fait une pause musicale et on se retrouve tout de suite après, les amis, avec les résultats des élections présidentielles 2017. Mon Dieu, quel suspense. Les gens qui croient de travers pensent que l'univers s'enchemine au hasard. Qu'il suit la course du temps aveugle et chaotant. Mais c'est une absurdité car à la vérité pour celui qui sait voir, il est le jouet s'épatant d'un peuple omnipotent. Les affaireux qui salopent la République, République, République, en se foutant pas mal de nos suppliques. De braves gens honnêtes, les crapuleux qui gouvernent la République, République, République, en se riant d'un peuple d'apathiques, ont des petites gueules bien sémitiques. Ils nous montrent le chemin, parlent de lendemain qui chante dans l'azur, vers lesquels sous leur férule il nous faut tous marcher. Et nous tout naturellement les suivons bêtement sans regarder le mur où s'achève tristement cette belle chevauchée. Les affaires qui salopent la République, République, République, en se foutant pas mal de nos suppliques, de braves gens honnêtes, les crapules qui gouvernent la République, République, République, en vantant l'esprit démocratique, ont des faciès bien sémitiques. Et quand un petit malin rappelle que les Germains nous ont pourtant appris le meilleur des traitements pour ce poison venimeux, alors leurs yeux s'écarquillent, s'abeuglent et s'égosillent et poussent des hauts cris. Et voilà l'impertinent coffré en moins de deux. Les affaires qui salopent la République, République, République, en se foutant pas mal de nos suppliques, de braves gens honnêtes, les crapules qui gouvernent la République, République, République, en pleurant leur détresse choatique, ont des petites gueules bien sémitiques. Quand ils en auront assez, quand leur sera passé l'envie de faire semblant, quand ils seront ennuyés de tout leur beau discours, quand ils auront obtenu que les nouveaux venus remplacent enfin les blancs, ce sera notre tour d'être jetés au four. Les affaires qui salopent la République, République, République, en se foutant pas mal de nos suppliques, de braves gens honnêtes, les crapules qui gouvernent la République, République, République, en jouant de leur élection biblique, ont des faciès bien sémitiques. Nous revoici pour cette deuxième partie d'émission, essentiellement consacrée, comme vous le savez, aux élections pestilentielles, là on peut le dire, hein, la pestilentielle 2017, avec la victoire attendue d'Emmanuel Macron, on va dire donc une créature ectoplasmique qui a été dans la roue de Jacques Attali, qui a été chez Rothschild, qui a été à l'ENA, etc. Bon, il a été un peu partout, ce garçon. Il a été présenté à la bourgeoisie depuis un certain nombre d'années maintenant. Bon, c'est quelqu'un qui était préparé de longue date. Le voici donc, on va dire, le nouveau commis de la République française. Alors, donc le score est de 34,5% à 20h, en faveur de Marine Le Pen, et de 65,5% en faveur d'Emmanuel Macron. Je lui ai trouvé un nom. Il y avait Flamby, donc le Macron succède au flan. Je ne sais pas ce que vous préfériez. Bon, bah, vous allez, on va voir. C'est surtout comme Mère Macrel, ça va bien, son épouse. Oui, c'est pas mal aussi, ouais, avec la vieille peau qu'il a, effectivement. Plus de 60 ans, hein. Oula, putain, ça c'est carabiné, quand même. Alors, donc 34,5% pour Marine Le Pen, ça risque d'évoluer un petit peu, peut-être 34, 33,5, je ne sais pas. Mais bon, aux alentours de 34 ou 34,5. Alors, je vais prendre les réactions à chaud de nos participants. Sans plus tarder, je vais commencer avec Derek. Derek, dis-moi ce que tu penses de tout ça, en sachant que Marine Le Pen a pris la parole depuis. Tu as écouté le discours. Donc tu peux aussi vraiment nous donner ton sentiment sur 5 ans, enfin pas le bilan de Hollande, mais je veux dire, après 5 ans de François Hollande, 5 ans de Nicolas Sarkozy, tous les événements qui sont suivis, voilà, Macron est élu aux 2/3. Qu'est-ce que tu penses finalement de tout ça? Oui, bon, effectivement, Macron est élu aux 2/3 après 5 ans de Hollande, hein. Bon, et là, si avait notre ami Frédéric Dallevier, il dirait les Français sont des PD à plus, ben, c'est un petit peu ça, quoi. Alors je sais pas si c'est que ça, si c'est le fait que on était pas mal remplacés aussi. Hein. Je pense que sur la région parisienne, il faudra regarder les scores. Hein. Ça risque d'être assez rigolo. Il y a aussi le fait que Marine Le Pen ça a complètement foiré sa dernière semaine avec le débat qu'on a eu. Oui, on va revenir sur le débat. On va reparler. Et là, donc, elle vient d'annoncer, en gros, elle a annoncé comme en 2012 qu'elle allait faire avec son rassemblement bleu marine, hein, son machin. Hein. Là, elle a annoncé qu'elle allait faire pareil. Donc, c'est bien. Hein, on reprend les mêmes formules, ça avance. On sent qu'il y a de la suite dans les idées. Oui, alors, effectivement. Alors, elle a fait un discours assez court, je crois. Hein. Ouais, ouais. Ouais, très court, ouais, bah oui. En tout cas, oui, je pense que la totalité, la longueur de son discours a été plus courte que tous ses ricanements mis à la suite lors du débat de cette semaine. D'accord, voilà. Oui, visiblement le débat ne t'a pas convenu, mais là on aura l'occasion d'y revenir. J'enchaîne sans tarder avec Fulbert. Fulbert, de ton œil de belge vigilant, tu nous avais dit au premier tour que les Français avaient fait le choix du suicide, notamment démographique. Deux semaines plus tard, bon, pas une grande surprise, mais une victoire, on peut dire, assez ample d'Emmanuel Macron. Ton sentiment, Fulbert ? Bah, qu'il n'y a pas de véritable espoir dans... On n'a pas vraiment de l'espoir à mettre dans les peuples. Il faut plus que les peuples. Il faut plus que, encore une fois, cette foutue démocratie dont on parlait tout à l'heure, cet esprit démocratique décadent qui ne va nulle part, qui se laisse guider comme un troupeau de moutons par la presse, par les idées des autres, par et puis il y a tous ceux qui s'en foutent, qui sont pas vraiment au courant de ce qui se passe. Qui ne perçoivent pas vraiment l'enjeu et le danger surtout. Donc moi je suis un optimiste de nature. Je sais que ça se réglera un jour, mais j'ai l'impression que ça ne se réglera pas dans les urnes, par les urnes. Ça c'est un sentiment qui est assez partagé. J'enchaîne avec MacDav. MacDav, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Ben écoute, je pense que la France stato-nationale telle qu'on l'a connue et telle qu'on voudrait la voir réapparaître, hein, parce que c'est mon cas, je dois l'avouer, bah, c'est terminé. C'est terminé, on avance vers quelque chose d'autre. Va falloir prendre en compte le fait que certains territoires sont perdus, que certaines populations ont muté d'un point de vue anthropologique, bon, peut-être même d'un point de vue génétique. Et va falloir, oui, enfin, comme dit Fulbert, hein, la démocratie... tel qu'on l'a connu, non, mais c'est mort. Va falloir envisager autre chose. Moi, je pensais que Marine Le Pen allait faire entre 40 et 45. J'étais très optimiste, parce que je pense qu'il faut, quand même être optimiste vu que les temps s'annoncent durs. Sinon, on est vraiment mal barré. Donc, on verra. Je préfère pas trop réagir à chaud, parce que je vais me laisser porter par mes émotions et j'ai pas envie de faire ma gauchiste ce soir. Voilà. D'accord, j'enchaîne avec Captain America. Captain, alors toi non plus, tu n'es pas... toi, tu as déjà dit très clairement que pour toi, le combat, il est métapolitique, il se passe dans les esprits. En fait, les élections qui jalonnent, en gros, c'est 3 minutes entre 4 planches pour glisser un bulletin dans l'urne. Et en fait, l'essentiel se passe le reste des 5 années. C'est quoi ton sentiment maintenant ? Bon, je suis pas surpris hein, du résultat. Effectivement, comme tu l'as rappelé, pour moi, le combat est métapolitique. Quasiment à chaque fois que j'interviens, j'exhorte les gens à devenir des missionnaires, des gens qui vont aller vers les autres justement pour répandre la bonne parole, si je puis ainsi le dire. Donc, c'est ce que je me suis tué à répéter depuis plusieurs années, c'est que tant que nous n'aurons pas regagné le cœur et les esprits des populations qui sont actuellement comme sous l'influence d'un mauvais sort, rien ne pourra être fait par la politique, en fait. Oui, oui, effectivement, c'est important de le rappeler. C'est, ouais. En fait, le truc, c'est que Marine Le Pen pourrait donner tous les meilleurs arguments du monde. La société de nos jours est dominée par les émotions, et ce sont les émotions qui font... Elle est associée à de très mauvaises émotions, en fait. Et tant, voilà, c'est ça, c'est tant qu'on n'aura pas fait comprendre aux gens que le système est dans leur tête, et que à un moment, il va falloir qu'ils choisissent soit la vie, soit la mort. Bon, ben, voilà, quoi. Capitaliste, vas-y. Oui, donc là, pour son premier discours, Marine Le Pen a juste beaucoup insisté sur les législatives, hein, vu qu'elle a fait un score assez modeste. Le nerf de la guerre, bah, c'est l'argent, et l'argent, on le prend pour les élections législatives. Hein, chaque voix rapporte 6 euros. Ça fait que globalement, tu peux ramasser des millions, des dizaines de millions d'euros sur quelques années. Donc là, elle a fait deux minutes de discours, trois minutes, où elle a juste dit, bon, bah, à plus tard pour les législatives. Ok. Après, c'est vrai que le débat... On va revenir sur le débat, on va revenir sur le débat. Donc, là, c'était plus la réaction à chaud sur le résultat et la réaction de Marine Le Pen. Donc voilà, c'était ça le... Voilà, est-ce que le score t'a déçu? Est-ce que tu t'attendais à ça? Est-ce que, voilà, c'était un peu le type de question, quoi. Bah, on savait qu'elle allait pas être élue. Mais bon, en fait, il y avait quelques millions d'indécis. Hein, les gens qui ont 18 ans, c'était la première fois qu'ils écoutaient Marine Le Pen. Ils n'avaient jamais entendu. Ils connaissent même pas Jean-Marie Le Pen, ces gens-là. Et puis, elle a pas su les convaincre, quoi. Peut-être parce que c'est une femme comme Ségolène Royal, je ne sais pas. Peut-être que, à force d'envoyer Philippot sur les plateaux de télé, elle a plus l'habitude de débattre. Après, voilà, le combat politique, faut pas imaginer qu'on peut gagner dans 5 ans. Hein. C'est un combat qui se passe sur 40, 50, 60 ans. Hein. Ça monte très lentement, quoi. Ça prend longtemps d'expliquer les choses aux gens. Ouais, c'est-à-dire que quand on sera totalement submergé de nègres. Ouais, effectivement, ouais. Bon, bah, je vais donner ma réaction après ça, alors à chaud aussi. Hein. Pour moi, bon, je suis quand même obligé de mettre les choses en perspective. En 2012, Marine Le Pen n'était pas qualifiée au second tour. Elle avait fait, je crois, 17%. Vous corrigerez, 17 ou 18, je sais plus. En 2017, elle a été qualifiée de justesse au second tour. Je pense qu'elle a fait une campagne de premier tour mauvaise. Alors, quelle est la part de sa responsabilité personnelle? Quel est le rôle joué par ses conseillers? Je peux pas le dire, je n'en sais rien. Mais c'était une campagne qui était conçue, élaborée pour jouer exclusivement le deuxième tour. Donc une campagne peu clivante. Une campagne qui voulait jouer, qui voulait recentrer l'image de Marine Le Pen. Alors ça a fonctionné au sens où elle a effectivement pu se qualifier au deuxième tour. Je pense qu'ils étaient très confiants. Ils se disaient que compte tenu du contexte de discrédit complet du Parti Socialiste, de François Hollande, du contexte aussi sécuritaire, de l'évolution de l'opinion publique, ils se sont dit... que les 25%, les 24-25% étaient quand même globalement acquis, et donc il fallait déjà anticiper le deuxième tour. C'était probablement un peu trop arrogant, et ils se sont qualifiés, mais de justesse, parce que n'oublions pas que François Fillon a fait 20%, Marine Le Pen 20,3%, 1,3% finalement c'est peu, alors elle a réussi à se qualifier, mais... Elle n'était pas en tête, elle n'était pas la favorite comme on l'avait présenté pendant presque un an. Et finalement, ils ont fait une campagne un peu, j'ai le sentiment quoi. Hein. En tout cas, la première partie de la campagne, j'ai le sentiment que c'était quand même une campagne un peu les mains dans les poches. Je le trouvais parce qu'il y avait une très grande confiance en eux. Marine Le Pen, très honnêtement, ne se foulait pas beaucoup. Je dis pas qu'elle a pas, elle a été feignante, mais il n'y avait pas l'énergie probablement nécessaire. Et chez ses lieutenants, je trouvais qu'il y avait une trop grande confiance en eux. Alors pourquoi je dis ça? Eh ben parce que si vous n'arrivez pas au deuxième tour en position de force, c'est-à-dire en tête, si vous n'avez pas fait la bonne campagne de premier tour, si vous brûlez les étapes, effectivement, vous arrivez deuxième au premier tour. Et comme elle était évidemment l'outsider, le challenger, pas l'outsider autant pour moi, mais le challenger par définition au deuxième tour, arriver en tête au premier était essentiel. Et alors, arriver en deuxième position au premier tour après Macron, bah, on savait déjà que ça allait être beaucoup plus difficile pour franchir le cap psychologique très important des 40%. Parce qu'évidemment, 40%, c'est là où on est dans... On approche du Graal, en fait. Hein, on approche des 50%. Donc, on pouvait se dire que d'ici à 2022, où la situation ne va pas manquer de s'aggraver, Marine Le Pen aurait pu envisager très sérieusement et convaincre beaucoup de Français qui n'auraient pas voté pour elle cette fois-ci, et aussi beaucoup de gens à l'extérieur, des commentateurs, des journalistes, des acteurs politiques, économiques, que c'était quelqu'un qui était en mesure d'eux. C'est-à-dire qu'à 40%, les gens auraient pu se dire, attention, 40% derrière elle, peut-être que d'ici 5 ans, si la situation est considérablement plus difficile pour la France, elle sera une adversaire de taille. Or là, si le résultat se confirme, à 34% et quelques, j'irais pas dire que c'est un échec, en termes relatifs, c'est-à-dire qu'il y a quand même une progression, elle a doublé son score, bon, parce qu'elle est au deuxième tour, mais elle a quand même doublé son score par rapport à 2012, et puis elle a réalisé une performance que Jean-Marie Le Pen n'a pas réalisée, c'est un fait, je veux dire, Jean-Marie Le Pen avait fait 17%, je crois, au premier tour en 2002, et il avait fait 18, je crois, enfin, vous me corrigerez, je ne sais plus exactement le score, mais je crois 18 au deuxième tour. Marine Le Pen, elle, a fait 21, elle passe à 34% à peu près. Bon, c'est quand même une nette progression, mais je nuancerai quand même en disant que Jean-Marie Le Pen faisait face à un faux candidat de droite, Jacques Chirac, qui lui avait permis de coaliser non seulement le parti gaulliste, mais en plus le centre, la gauche et l'extrême gauche en sa faveur, alors que là, évidemment, le parti gaulliste étant éliminé du deuxième tour, Marine Le Pen a pu séduire sa gauche immédiate, qui est le parti gaulliste, et débaucher un certain nombre de personnes, plus l'électorat protestataire. Et finalement, bon, elle a eu un certain succès, mais c'est vrai qu'il est insuffisant. Il est insuffisant. C'est évident que la barre des 40% n'est pas atteinte, quoi. Donc ça, c'est à chaud ma réaction sur ça. Alors avant qu'on continue, quelqu'un veut rajouter quelque chose sur ce que j'ai dit ou sur ce qu'un autre intervenant a dit ou quelqu'un veut préciser quelque chose ou pas spécialement? Non, pas vraiment. Un point qui me paraît important, c'est quand même de souligner. Enfin, je pense que là, on peut quand même là. On va pas accabler non plus Marine Le Pen de trop. C'est-à-dire que, bon, on peut parler de sa campagne, on peut parler de ceci, on peut parler de cela, on va parler du débat d'ailleurs. Mais, je veux dire. Je pense que Marine Le Pen ou le Front National ne peuvent pas être accablés outre mesure. En ce sens que le choix était absolument clair et l'immense masse des Français savait pertinemment de quoi il s'agissait. Je veux dire, moi, je ne veux pas entendre parler du fait que le peuple est victime de ceci, le peuple est victime de cela. Non, moi je suis pas d'accord avec toi. Pourquoi ? Alors, parce que effectivement, il y a la responsabilité qui rentre en ligne de compte. Effectivement, c'est vrai. Mais quand tu dis qu'ils sont pas des victimes, ça fait quand même depuis 70. Alors, il y a bien sûr des choses qui rentrent en ligne de compte et qui sont bien plus anciennes que ça. Par exemple, la Révolution française, la philosophie des Lumières, le fait qu'on ait des individus, blablabla. La Grande Dépression aussi, d'un point de vue, je pense, du traumatisme des deux guerres mondiales, qui s'inscrit dans la psyché hein, et ainsi dans la chair des Européens. Mais, en fait, oui, ils sont responsables, mais ils sont en même temps victimes de telle pression, en fait, un tel chantage émotionnel, affectif, de toute cette judiciarisation, en fait, qu'ils sont responsables, mais on ne peut pas nier que leurs décisions sont influencées par des éléments qui sont tant intérieurs qu'extérieurs, parce qu'on a affaire à différentes populations aussi. Non, mais ça, je suis d'accord avec ça. Par exemple, effectivement, quand on parle des bourgeois qui ont du patrimoine à protéger, machin, et donc qui vont voter pour telle chose et pas Le Pen. Ok, d'accord, pas de souci. Mais non seulement les Français, c'est pas uniquement ces gens-là, c'est plein d'autres personnes. Et en fait, si tu veux dire qu'ils sont juste responsables, c'est comme si tu disais qu'une victime... par exemple, de terrorisme. Par exemple, je reviens sur cette bonne femme, là, cette magnifique blonde aux yeux bleus, journaliste néerlandaise ou suédoise, qui avait été capturée par les talibans, qui avait été violée à répétition, et qui s'était finalement convertie à l'islam sous la pression, et à partir de ce moment-là, ils avaient arrêté de la violer. Cette femme-là prenait la défense de ses ravisseurs, de ses violeurs, de ses geôliers, de ces gens qui l'ont torturée, en fait. Oui, quand elle dit ça, elle a une part de responsabilité, c'est vrai. Mais en même temps, on ne peut pas omettre le fait qu'elle est victime du syndrome de Stockholm. Il faut lire ce qu'est le syndrome de Stockholm. Donc, en fait, si vous voulez, on a les deux choses qui sont consécutives. Ils sont responsables, oui, c'est sûr, mais ils prennent ces décisions parce qu'aussi, il y a tout ça qui s'explique auparavant, quoi. Ouais, mais... Bien sûr, je veux dire, je vais pas dire que c'est une page blanche et que ces gens-là sont pas marqués, pas influencés, qu'il n'y a pas un contexte, qu'il n'y a pas un milieu. Mais, à un moment donné, faut pas non plus prendre les gens pour des cons, et si ces gens-là veulent se prendre eux-mêmes pour des cons, ce qui me semble être le cas, et c'est ça qui est bien d'ailleurs avec quand même l'ordre des choses, c'est-à-dire avec la réalité... Je trouve ça toujours extrêmement intéressant, c'est que de toute façon, s'ils veulent des irresponsables, ils ont un problème, c'est que la réalité leur imposera toujours le coût de leur responsabilité. Ça, je trouve ça toujours génial, c'est-à-dire que ces gens-là peuvent se comporter comme des irresponsables. Mais à la fin de la journée, on viendra leur présenter quand même la note. Donc, je suis d'accord. Et c'est ça qui va se passer, c'est-à-dire que... Bien sûr. Ils vont le découvrir, c'est-à-dire qu'ils ont fait n'importe quoi aujourd'hui, pour moi, à mon avis, ils ont fait n'importe quoi... Ils pensent que c'était bien. Moi, je pense qu'ils ont fait vraiment... Enfin, pour moi, ça relève presque de la folie et à tout le moins de la... Oui, enfin, ça relève de la psychiatrie. Et ils se disent probablement... bon, bah, c'est cool, je peux vaquer à mes occupations. Enfin, les 60 et quelques pourcents vont dire, moi, je vais revaquer à mes occupations demain. Bon, je suis pas forcément très, très enjoué, mais bon, globalement, quand même, on l'a échappé belle. Et sauf que non, ils vont s'en rendre compte. C'est-à-dire qu'ils vont devoir payer le prix, maintenant. Et ce prix, ça va être très clair. Ça va être d'abord la situation économique qui va continuer à faire ce qu'elle fait, c'est-à-dire se dégrader, la violence immigrée, etc. Et je crois que c'est ce qu'ils veulent à ce stade. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas, ils insistent. Et regardez bien, on le voit aussi, et on l'a vu avec la mise en scène de la mort de ce CRS sur les Champs-Élysées, où là, on a été... moi, pour moi, c'était aussi une étape. Il y a eu le Bataclan, bien sûr. Mais avec l'histoire du CRS, ça a été vraiment une étape, parce qu'en fait, on a un attentat la veille des élections. Il y a une mise en scène précipitée. Et en fait, on se rend compte que c'est une célébration des PD, des transsexuels, etc., avec son... compagnon, entre guillemets. Je m'abstiendrai de tout commentaire sur ce cas précis. Mais c'est une célébration, et là, on se dit, il y a un problème. On est en train de franchir des étapes qu'on n'aurait jamais franchies avant. Et là, je ne vois pas d'insurrection face à ce qui est effectivement une autodestruction flagrante, voire scénarisée, je veux dire. Et il n'y a pas trop à s'interroger, je veux dire, sur le résultat des élections, parce que c'est, pour moi, ça relève du même truc. Je veux dire, si personne ne s'insurge face à un truc pareil, c'est-à-dire face à cette cérémonie-là, après le Bataclan, etc., en fait, il y a une accoutumance qui est en train de se développer. Il y a, puis avec le même donc, en question, donc le fameux compagnon du CRS abattu, qui explique en gros, faut pas voter Front National parce que quand même la haine c'est pas bien. Et qu'on apprend que le CRS en question aidait les migrants et que lui-même était un militant homosexuel dans la police. Enfin, là on se dit, attention, là la société française est très très malade hein, quand même. Donc, on ne peut pas s'étonner du vote. Et on peut pas s'étonner du résultat. Il faut pas s'étonner du vote, Gandalf, parce que comme je l'ai dit, il y a une mutation anthropologique. c'est, je sais plus qui disait que le capitalisme produit sa propre forme d'homme, mais en fait c'est pas vraiment le capitalisme, c'est on va dire la jouissance de la marchandise par des hommes qui ne la produisent pas. Qu'est-ce qui a voté en fait Macron? Ce sont les consommateurs. Ce sont les consommateurs et les gens qui captent. Enfin, je suis désolé, hein, je vais faire mon gauchiste et mon marxiste, mais c'est la consommation qui a gagné contre la production ce soir. C'est un vrai vote de classe. Et en France, il y a quand même, on va dire, 60% du PIB qui passe entre les mains de l'État et qui est redistribué sous formes diverses. Ah, t'as raison de dire ça sur les producteurs. Le problème, c'est que je sais pas si on peut le formuler comme ça en ce sens-là. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un vote de conservation contre un vote de rupture. Ça, c'est clair. Alors, je sais pas s'il faut pousser le truc aussi caricaturalement en disant c'est la périphérie. Est-ce qu'on peut faire vraiment une géographie de cette rupture? Je sais pas. Est-ce que c'est les producteurs contre les consommateurs? Toi, tu dis que oui, c'est possible. Je pense que oui, en partie, évidemment. Évidemment, c'est aussi un vote racial, en partie. Mais c'est pas un vote exclusif, quoi. Il y a tous ces niveaux de lecture. Par contre, oui, en fait, c'est faudra le voir avec les cartes. Hein. Mais les cartes sont très intéressantes, quand même, une permanence du territoire. Mais pour moi, c'est le plaisir immédiat du jouisseur contre le plaisir du travailleur. C'est la sérotonine contre la dopamine, en fait, ce soir. Et quand je dis il y a une rupture anthropologique, il y a des gens qui sont quand même dans une... qui ne peuvent pas sortir de leur zone de confort. Parce que, dire concrètement, ce que Marine Le Pen proposait, c'était quand même le retour à l'usine. Tu vois, c'est-à-dire faire en sorte que notre économie, qui est une économie de consommation, qui pour l'instant est permise uniquement par la dette sur le dos d'une petite minorité de travailleurs, ouais. Elle prévoyait, Marine Le Pen, de mettre fin à ça pour remettre les gens au boulot et au turbin, tu vois, et pour consommer, Je l'ai pas compris comme ça, moi. Je veux dire, je comprends les accents qu'elle a un peu utilisés, effectivement, en disant qu'elle voulait protéger les entreprises, sauf que son programme économique, pour moi, hein, produisait l'inverse, en fait. J'avais du mal à comprendre comment refaire fonctionner l'économie française, l'industrie, ou enfin l'économie au sens large, et dans le même temps avoir un discours socialiste, dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire... c'était un discours assez quand même assez démagogique sur la dépense publique, par exemple. J'ai quand même eu un peu de mal à identifier ça, voilà. Et notamment sur l'euro aussi, parce que l'euro c'est une prise de risque. Je peux pas lui reprocher de tenter un truc un peu risqué, mais elle dit on va quitter l'euro, etc. Bon, c'est assez cohérent, c'est-à-dire que les bourgeois ils vont pas voter pour ça. Les bourgeois ils veulent le maintien de la situation telle qu'elle est. Ils veulent pas une rupture. Mais c'est difficile de créer de la confiance en affirmant que tu vas créer parce qu'elle a été mauvaise, elle a été nulle. Je veux dire, c'est quand même incroyable. Je veux dire, Macron, il aura à gérer soit le défaut partiel, soit la déflation salariale brutale, ouais. Qui se passera à mon avis par la captation de l'épargne des vieux. Faut pas rêver, ça sera comme ça. Elle aurait pu attaquer là-dessus. Qui est-ce qui a chiprioté les économies? C'est pas le Front National, c'est l'Europe. Pourquoi elle a pas attaqué le Macron mis en tête? Elle aurait pu gagner des points. Je sais pas. Je t'avouerais, moi, j'ai pas vu de discours économique cohérent. J'ai du mal à comprendre. Parce qu'elle est nulle. Parce que, enfin, si tu veux, moi, je n'en veux même pas. Parce que, si tu veux, on peut pas lui reprocher de ne pas être à la hauteur des événements, tellement les événements sont historiques. Donc, d'un point de vue humain, moi, je ne peux que lui pardonner. Mais le problème, c'est que ce parti vire les gens brillants. Tous les gens qui sont supérieurs au Le Pen d'un point de vue intellectuel et qui ne sont pas des PD qui rampent et qui lèchent sont virés de ce parti. Donc, c'est un peu le problème de base. Oui, c'est vrai que par rapport au Front National des années 90, pour ceux qui l'ont connu, moi j'étais jeune, mais je m'en rappelle... C'est vrai qu'à l'époque, il y avait quand même des cadres au Front National, des gens qui allaient à la télévision, qu'on voyait, et même quand les Le Pen allaient à la télévision, bon, il y avait des gens autour d'eux, on va dire, quoi. Et ça se ressentait. Maintenant, le Front National, alors qu'il a des succès inédits, quoi, c'est vrai que c'est un fait, enfin, il faut quand même dire ça, hein, c'est le score le plus élevé du Front National que le Front National ait jamais réalisé, hein. C'est-à-dire que, en termes relatifs, le score national est à son apogée, hein. Ça paraît bizarre de le dire, puisque les gens ont un peu un sentiment de défaite, parce que les gens pensaient pouvoir vraiment faire un score plus important, les plus optimistes pensaient pouvoir gagner, mais comment dirais-je, ouais, on est dans une situation un peu bizarre, et le Front National aujourd'hui, c'est vrai que c'est vide en fait, c'est-à-dire qu'il y a Marine Le Pen, mais qui se fait désirer un petit peu. Et puis on a surtout Florent Philippot, qui fait énormément de plateaux télévision, partout, tout le temps. Bon, moi je vais pas le brûler en place publique, comme d'autres le feraient, parce que pour lui reprocher, il est trop à gauche. Je vois un truc, franchement, je suis obligé de dire ça quand même. Je vois beaucoup de gens, même aujourd'hui, et puis depuis quelques jours, ou un peu plus, qui disent « Ouais, mais le Front, il est pas assez à droite, il faut faire l'union des droites, le truc. » Alors moi, l'union des droites, pour moi, c'est une connerie absolue. C'est bidon, ça n'existe pas. C'est possible, à la limite, d'avoir une certaine part d'une bourgeoisie un peu productive, donc l'aile droite, on va dire, des Républicains, et encore, très difficilement. Mais l'union des droites, en mettant en avant la lutte contre l'avortement, je suis contre l'avortement, d'ailleurs, hein, je précise, mais c'est bidon, c'est faux, ça fait pas voter les gens, ça. Donc de ce côté-là, ceux qui veulent se débarrasser de Philippot, ils veulent se débarrasser de Philippot pour certaines raisons. Mais qui sont, à mon avis, pas les bonnes, en tout cas. Et si c'est pour dire, ouais, super, maintenant, on va lécher le cul des bourgeois et on va faire l'union des droites extraordinaire, donc, en fait, essayer de récupérer les connards qui ont soutenu Macron, parce que c'est ça, au fait, hein, c'est les Républicains qui ont soutenu Macron, c'est ceux que courtisent des gogoles comme Paul-Marie Couteau et compagnie, hein, tous, bah tiens, encore un PD, d'ailleurs. Ça, c'est une impasse. Donc, de ce côté-là, Philippot, il a raison de maintenir le FN dans une veine populaire et dans une certaine mesure, pas socialiste, hein, mais dans une certaine mesure sociale. Mais il y a aussi un vrai problème, c'est que pour moi, le Front National, le problème économique du Front National est mal foutu, quoi. Il est mal foutu pour moi. Il est mal foutu, c'est-à-dire qu'il il n'est pas cohérent sur plein de points, il est très démagogique sur beaucoup de points. Mais bon. Après, je pense pas que les gens votent pour des programmes non plus totalement. Hein. Il est démago, mais écoute, un type qui peut pas croire que qu'on vit dans un, enfin, je crois au progrès technologique et à la robotique, mais faut voir ce que c'est quand même que bosser dans des conditions modernes. Tu vois, c'est-à-dire que on t'en prend quand même plein la gueule. On te demande d'être productif parce que effectivement ta valeur ajoutée est captée par l'État et par l'État social, donc tu quelque part quand tu produis, t'as envie qu'une certaine part de cet État social te soit redistribuée, tu comprends? Oui, mais c'est pas le problème, ça. Le problème c'est que le gouvernement français, c'est pas d'ailleurs le seul gouvernement occidental, ne maîtrise pas ses dépenses. Donc, il augmente indéfiniment la pression fiscale sur les classes productives, et aussi sur ceux qui consomment, et ça n'a pas de fin. Et cette question-là... Mais non, mais c'est un cercle vicieux. Hein. Oui, mais cette question-là, elle n'est pas posée, je veux dire. Qui a dit, on va juguler les dépenses de l'État français? Qui l'a dit, ça? Je veux dire, Fillon, elle a osé un petit peu. Alors, les mecs vont dire, c'est pas sexy, etc., mais après, il faut savoir comment... Enfin, il faut savoir quoi dire et comment faire. Je veux dire, ça peut être très bien accepté par les classes ouvrières, par les classes populaires, si on leur explique que l'idée, c'est pas de les appauvrir, l'idée, c'est de leur permettre de toucher l'argent de leur travail en coupant les parasites de la bureaucratie, les parasites nègres et bougnoules, les parasites du monde associatif, etc. J'en passe et des meilleurs. Il y a des centaines de milliards qui passent là-dedans. Je veux dire, on peut faire les deux. C'est-à-dire qu'on peut permettre à ceux qui travaillent de vivre de leur travail décemment sans tomber dans la démagogie socialiste stupide qui consiste à dire on fait la même chose que ce qu'on fait depuis 35 ans en France. Et le Front National n'ose pas. C'est oui, ça oui, qui est frappant. Quoi. Le Front National n'ose pas et n'ose sur rien en fait. Et là, pour le coup, c'est intéressant. Là, c'est intéressant. Et vous pouvez commenter. J'invite les gens à rebondir là-dessus. Pour le coup, le Front National a joué sa carte que la direction a vendue à ses sympathisants, à ses électeurs, depuis que Marine Le Pen est au pouvoir. C'est-à-dire, on dédiabolise, on a une posture de rassemblement. On n'est pas dans une logique réganienne des années 80 avec Jean-Marie Le Pen, etc. Bon, on fait tout ça, et vous allez voir, ça va remporter un succès phénoménal. Alors, il y a des succès, je ne peux pas le dire le contraire, c'est un fait. Marine Le Pen a remporté des succès, on le voit maintenant, c'est le meilleur score du FN. Mais quand même, on voit une limite là. Alors maintenant, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Qu'est-ce que vous pensez de ce truc? Ils ont fait tout ce qu'ils ont joué le jeu à fond de la normalisation. Et on se rend compte que, voilà, alors les idées novatrices ont été bazardées, les idées clivantes ont été bazardées, c'est très aseptisé, etc. Et au final, on se retrouve en 2017. Bah les idées clivantes. Non, ouais. Les idées clivantes, elles ont été bazardées, t'en parlais, c'est... Enfin, l'euro, c'est une idée clivante, hein, bah c'est la seule... à l'heure actuelle. Oui. Eh oui. C'est, en fait, c'est peut-être la seule idée, enfin, je leur demande pas de la virer, mais c'est peut-être la seule idée qu'ils peuvent conserver tout le temps, la laissant un petit peu de côté dans la communication. Oui, mais elle a pas voulu faire ça. Mais ça avait été fait quand Dupont-Aignan a annoncé qu'il se ralliait à la candidature de Marine Le Pen. Tu avais juste après une interview de Mario Maréchal qui ouais. disait voilà effectivement pour ce qui est de l'euro etc on va aller plus lentement on va négocier etc et puis genre un jour ou deux jours après t'as Marine Le Pen avec ses gros sabots qui est arrivée en mode non mais l'euro sortir de l'euro on va y aller voilà rapide elle a voulu montrer qu'elle tenait le parti c'est ouais, ouais, mais ouais. Au niveau électoral au niveau perception dans l'opinion publique c'est désastreux hein. Effectivement j'ai relevé ça t'as raison et là en fait c'est là que tu te rends compte qu'en fait malheureusement c'est une boutiquière ouais voilà c'est ça ouais voilà elle a carrément pas compris le moment effectivement ouais. Dupont-Aignan a fait d'ailleurs preuve de beaucoup plus d'intelligence politique qu'elle sur ce coup-là. Mais effectivement. Bah oui, justement, lui, il est arrivé à... Je sais pas si vous avez écouté son discours qu'il avait fait à côté d'elle, où il avait dit « J'ai obtenu des garanties comme quoi, pour la sortie de l'euro, ça se fera de manière posée, réfléchie, etc. » Et après, donc, l'autre, elle est arrivée là, dans son débat, là, cette espèce de moments hallucinants hein, qu'a été le débat entre Marine Le Pen et Macron où elle a sorti effectivement le FN hein, de parti groupusculaire d'extrême droite pour l'enterrer dans le groupusculaire d'extrême gauche c'était sidérant. Alors revenons sur ce débat qui veut commencer à parler de ce débat. Moi je l'ai pas regardé, je le confesse, donc je m'abstiendrai de le commenter. Mais qui l'a regardé? Qui veut commencer? Qui veut donner son opinion sur ce débat qui a été jugé important, mais négativement, au sens négatif du terme, capitaliste. Alors, 16 millions de téléspectateurs. 16 millions. Faut savoir que les plus gros débats en France, c'est 6 millions à peu près. Là, 16 millions, ça veut dire que tout le monde écoutait. Opportunité historique qui se présente une fois tous les 5 ans. Je suis resté sur ma faim, moi. Disons que la première demi-heure, c'est mon impression personnelle, hein, y en a qui sont pas d'accord. J'ai trouvé que Le Pen a roulé au bulldozer sur Macron. Et après, elle a fait de la merde, elle a pas voulu défendre ses idées, j'ai l'impression. Elle aurait pu préparer plein de petits scuds et tout lui balancer dessus. On a l'impression qu'elle voulait répéter les mêmes arguments et pas défendre son projet, en fait. Je sais pas ce que vous en pensez. Marine Le Pen, elle n'a même pas évoqué l'immigration dans le débat. La France est en voie d'envahissement par les nègres. Pas une fois. Elle n'a pas parlé d'immigration. C'est surréaliste. Elle est mauvaise. Point barre. Non, là c'est pas qu'elle est mauvaise. Non, là un truc comme ça, c'est un choix. Ah non, mais c'est... Oui, c'était un choix. Non, c'était. Ouais, bon, là tu nous as parlé de Philippot. Moi, là j'ai senti Philippot. Il y avait qu'à voir le sourire qu'il avait à la sortie du débat. C'était du 100% Philippot, hein, le truc. Mais ouais, d'accord, pas d'immigration. Elle a ricané pendant 2h30, quoi. C'est une attitude, mais absolument détestable. Elle a prêché le convaincu, effectivement. Les fans étaient contents. Ouais, elle est rentrée dans Macron, etc., etc. Ok. Les électeurs de. Ben, les abstentionnistes, même, pas les électeurs de personne, hein, les abstentionnistes, les électeurs de droite, hein, droite dure, droite dure entre guillemets, hein, la droite des républicains, on va dire. Bah, c'est les mecs qui ont vu ça, ils se sont dit, mais qu'est-ce que c'est que cette folle, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette folle. Ouais, tout à fait. Non, mais honnêtement, je suis persuadé que la moitié d'entre nous aurait pu mettre Macron à poil. Parce qu'en fait, il était bon, mais parce qu'elle était nulle. Mais qui regarde ce genre de débat? Enfin, qui se forge son opinion définitive par ce débat? Finalement, pas grand-chose. Les vieux. Les indécis. Les vieux qui regardent les débats et qui ne connaissent pas Macron, donc ils hésitent parce que c'est un nouveau. Alors les vieux, ils ont peur de la nouveauté. Et elle, ce qu'elle aurait dû faire, c'est convaincre les vieux. Évidemment. Et les vieux, ils ont vu quoi? Ils ont vu une poissonnière face à un jeune premier qui vient de la banque, quoi, un commercial en assurance. Et ben les vieux, ils font quoi? Ils font confiance en quoi? Ils font confiance au commercial en assurance. Oui. Voilà, la poissonnière contre le gendre idéal, c'était ça. Ouais, non, c'était ça, c'est exactement ça. Super. Alors que si elle était calme, tu vois, qu'elle le laissait, peut-être qu'il se serait énervé par rapport à une pique ou deux. Mais non, là, elle a commencé d'entrée de jeu à lui rentrer dedans, quoi, essayer de lui rentrer dedans, puis ça a duré jusqu'au bout, il n'y a rien d'autre. Chaque fois, c'est pour lui dire, voilà, économiquement, ultra-libéral et compagnie, alors ultra-libéral en France, lol, hein, on va dire, mais c'était que de ça, et comme a dit Magda, pas d'immigrants, ouais, ben oui, une certaine personne nous souffle à l'oreille, la campagne d'Alain Soral, oui, c'est possible, mais ouais, c'est un petit peu ça, quoi. Bah c'est ça que je voulais dire, quand j'ai posé la question tout à l'heure, j'ai dit, là, pour le coup, c'est-à-dire que tout ce que voulaient faire ces gens, en termes de gauchisation, etc., ou d'exercice de style, ils l'ont fait. Donc là, ils peuvent pas dire, vous comprenez rien, vous êtes des débiles, vous savez pas ce qu'il faut faire, machin, laissez-nous faire. Bon, là, on les a vus, ils ont eu, comme l'a bien dit Capitaliste, une chance extraordinaire, ils avaient les coudées franches, ils ont eu un débat où ils ont pu... faire montre de leur intelligence, de leur esprit stratégique, de préparer des choses trappes, etc. à leur adversaire, de déployer leur dialectique, et en fait, bon, bah, c'est ce que vous dites. Moi, je ne l'ai pas vu, donc je reste sur la réserve, mais d'après ce que vous dites, rien, la catastrophe, visiblement pas de préparation, ou alors un choix délibéré de ne pas aller sur le fond ni rien, de ne pas rassurer, etc. Bah, au moins, là, c'est clair, je veux dire, la stratégie lepéniste version Marine Le Pen, c'est de la merde, en ce sens que c'est pas en mesure de véritablement bouleverser les lignes au point d'atteindre les 40%, qui était, à mon avis, le seuil critique. Pour la suite, quoi, j'entends. Ouais, là, il fallait... L'objectif, c'était de se lancer pour les législatives. Donc, il y avait 23%, il y avait des sondages qui n'étaient pas mauvais. Il y avait une première semaine qui était bonne, on a parlé la semaine dernière. Il y avait beaucoup d'énergie sur la première semaine. Voilà, il y avait de l'énergie. On est arrivé avant le débat, on s'est dit, putain, ouais, l'autre, il est jeune, ouais, il est à la rue, elle va faire comme... Enfin voilà, elle va retrouver la pêche qu'elle avait en 2012, en gros. Et non. Voilà, donc elle est arrivée à mode dernière, totalement... Quand j'ai vu l'épisode avec Whirlpool, qui était vraiment bien menée, etc., avec les ouvriers, etc., je me dis... Ouais, elle a sorti l'écran. En fait, je me suis dit, tiens, c'est marrant, autant on l'a pas vu pendant ce que j'ai dit tout à l'heure sur la première partie de la campagne, je dis, bon, là, on l'a pas vu, elle était en vacances. Bon, là, visiblement, elle s'est réveillée, elle avait prévu un second tour, donc elle arrive, elle fait campagne, et je sais plus si on en a parlé, mais moi, dans mon esprit, je me suis dit, bon, le débat contre Macron, elle va le détruire. Parce qu'elle va bien préparer son truc, t'as tout le loisir de te préparer, et Macron est quelqu'un qui n'a pas une forte personnalité, c'est quelqu'un qui est assez hésitant, alors qu'elle est quand même vraiment rompue à l'exercice, et je me suis dit, bon, elle va quand même réussir à imposer sa narration, elle va réussir à l'encager, ça va pas lui donner la victoire, moi c'était ce que je pensais, mais ça va quand même donner une image générale de quelqu'un qui maîtrise la situation, donc je me suis dit, une défaite, oui, mais une défaite bien maîtrisée qui allait lui permettre de poursuivre l'effort de manière assez confortable. Et en fait, là, pour le coup, vous dites que non, elle a, toute seule comme une grande, elle a merdé en beauté. Et toi, tu me dis, Derek, que toute seule comme une grande, c'est peut-être un peu exagéré, parce que tu crois deviner... l'odeur, la trace de Florian Philippot, ouais. Quoi, dans ce débat. Ouais, c'est parce que à force de s'entourer de tas qui la flattent et de virer, comme je le dis, les gens intelligents, Moi, je pense que Marine Le Pen elle a un certain complexe d'infériorité et qu'elle compense ce complexe d'infériorité en s'entourant de gens qui la flattent. Et qui lèche le cul. C'est évident. Alors que Macron, tu vois, on peut penser ce qu'on en veut, mais je pense qu'il a pu avoir accès à des gens qui, d'un point de vue intellectuel, sont peut-être des enculés, mais sont quand même des gens d'une intelligence supérieure. Et ils l'ont formé, ils l'ont coaché. Alors bon, il y a l'histoire de l'oreillette, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai, mais c'est évident... Bah, c'est un détail, Ouais, enfin, mais c'est juste évident. Ouais, c'est pas l'oreillette qui a fait ricaner Marine Le Pen. Voilà, ouais, Macron est un bosseur, c'est une feignasse. Bah, c'était le sentiment que j'avais depuis toute cette campagne, même d'un peu avant. Parce qu'il faut bien comprendre qu'elle s'était présentée comme ça. Elle fait une cure médiatique. Un an avant l'élection. Oui, après les régionales, elle a dit je me mets en retrait, machin. Ouais. En gros, elle est partie glander pendant un an et demi. Quoi. Voilà, elle est partie glander. Alors tu dis, putain, elle va arriver dans la campagne présidentielle là à la rentrée 2016, ça va être ultra violent, quoi. Elle aura accumulé l'énergie, elle sera préparée à fond et ça. En fait, il n'y a même pas eu de véritable. Enfin, moi, de ce que j'ai vu, j'ai pas vu de véritable campagne de premier tour. Et comparé à Trump. Alors Trump, là maintenant, il est à la Maison Blanche. Enfin, lui, il est à la Maison Blanche. Après, ce qu'il fait à la Maison Blanche, c'est un autre débat. Mais le mec, faut avoir vu sa campagne. C'est pendant un an et demi, il était partout. Mais partout. Il a 70 ans. Enfin, il avait 69 à l'époque. 69 ans, il était partout. Dans un avion ici, dans un avion là. Il parlait à des foules énormes. Enfin, il a communiqué de l'énergie. Il a créé vraiment ex nihilo un mouvement contre tout. D'abord le Parti Républicain, ensuite contre tous les médias. Mais il a créé la dynamique parce qu'il en voulait. Et ça l'a porté à la Maison Blanche. La suite, c'est autre chose. Mais ça, il l'a fait. Marine Le Pen, j'ai rien vu. Mais la grande différence aussi entre Le Pen et Trump, c'est que Trump, lui, il n'a pas cherché à se faire adouber ni par son parti, ni par le système. Au contraire, il les a tous attaqués. Ouais. Il a dit que les journalistes étaient des colporteurs de fausses rumeurs. Ouais. You are fake news. Il a renvoyé chier dans leur caisse tous ceux qui l'attaquaient, alors que Marine Le Pen est dans la dédiabolisation, dont je fais le dos rond, bon voilà, ça marche pas. Et au débat, en fait, c'est là qu'elle a montré de l'agnac, qu'elle a été agressive, mais vraiment dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire qu'effectivement, il fallait qu'elle attaque Macron sur sa participation au gouvernement, sur sa responsabilité dans beaucoup de choses, sur son association avec Attali, sur ses soutiens, oui. Mais pas comme ça, pas comme une vulgaire mégère. Elle était antipathique, bordel. Je suis d'extrême droite. même peut-être plus que ce qu'on appelle l'extrême droite, et elle m'était antipathique. Je veux dire, j'avais pas envie de l'écouter. Elle m'énervait. Elle me faisait chier. Elle me faisait limite. Enfin, j'avais envie de lui dire, mais ferme ta gueule. Et en fait, le truc, c'est ça, c'est que elle a été véhémente. C'est non pas. Elle a été véhémente. Et le truc, c'est que en plus, elle n'a pas maîtrisé le cours du débat, le flow de la conversation. Mmh. Et c'est ce qu'a fait Macron. Macron, lui, il est resté serein. Et il a posé des questions à Le Pen, mais pas en genre qu'est-ce que vous avez mangé ce matin. Il lui a demandé de rendre des comptes. Et c'est ça le problème, c'est que les anti-blancs, les gauchistes, depuis 40 ans, c'est ce qu'ils nous demandent de faire. À chaque fois, ils nous demandent de nous justifier. Or, c'est ça qu'il faut faire contre eux. Il faut utiliser exactement les mêmes techniques. Et Le Pen aurait dû faire ça. Lui dire, démonter ses arguments, oui, être sur l'offensive et non pas être dans l'agression, et se poser supérieurement à lui d'un point de vue d'un point de vue moral, quoi, et lui demander de rendre des comptes. Et c'est ce qu'a fait Trump, hein, durant sa campagne avec Hillary et compagnie. Quand il parlait du drain the swamp, c'est-à-dire assécher le marais et compagnie, il s'est posé véritablement en mec qui était au-dessus de la mêlée par rapport à tous ses adversaires, et il leur a dit, vous allez rendre des comptes. Alors effectivement, comme tu dis, maintenant, bah, il ne le fait pas, mais à l'époque, il disait que, bon, Hillary et ses potes, leur place était en prison. En fait, pour moi, en fait, le débat n'a pas lieu d'être, parce que Macron, comme les autres, sont des mecs qui sont en train d'œuvrer à la destruction des Européens, de leur civilisation et des peuples, dans tout ce qu'ils ont de plus fondamental, c'est-à-dire à la biologie. On n'a pas à parler avec des gens comme ça. Ces mecs-là sont des criminels. Leur place est en prison. Si tu vas parler avec eux, c'est pour leur dire de façon courtoise, écoutez, vous êtes en tort, vous devez soit chercher à vous faire pardonner, soit réparer les torts, mais ce n'est pas à moi de me justifier, c'est à vous de le faire. Ou alors, on leur parle pas, on le dit, voilà, ces gens-là sont des criminels, j'ai pas à leur parler, point. Imaginez un instant, en fait, c'est ça, c'est que, pour faire un parallèle, ces mecs-là sont des criminels. Donc c'est prenez n'importe quoi, un voleur, un violeur, un assassin. Et en face de ça, vous avez la victime qui est en train de se justifier par rapport à son agresseur. Si jamais vous auriez quelqu'un dans la rue, enfin si vous voyez ça, vous vous direz mais c'est complètement stupide. Vous n'allez pas avoir quelqu'un qui devrait expliquer à son assassin pourquoi il devrait le ou la laisser en vie, quoi. Ça paraît complètement stupide. Or, ben nos politiciens, enfin Marine Le Pen, c'est ce qu'elle fait. Bah oui, mais Marine Le Pen, psychologiquement, elle est quand même dans une position déjà défensive dès l'origine, puisqu'elle ne prétend pas contester ce que tu dis, donc le monopole des idées, le monopole même de la morale à ses adversaires. C'est le contraire, c'est d'ailleurs toute la philosophie de la dédiabolisation, c'est les idées dominantes sont les bonnes, et je vous démontre que je suis parfaitement compatible avec elles. Or, réflexe républicain, comme on dit, ou réflexe conformiste, ou conservateur, c'est pas le réflexe droite-gauche, hein. Conservateur, c'est au sens conserver le système tel qu'il est, bon, d'accord, ok, imaginons Marine Le Pen parle comme une femme de gauche, une femme du centre, ou un homme politique républicain, bon, elle fait des serments de république, de laïcité, de tout ça, bon, d'accord, admettons. Bah, je vais voter pour l'original, comme disait Jean-Marie Le Pen à l'égard de ses adversaires. Lui disait, quand Sarkozy essayait de singer le Front National, il disait, bah, ils vont voter pour moi plutôt que pour la copie. D'ailleurs, il avait eu tort cette fois-là, il n'avait pas identifié un problème qui était déjà le soralisme très actif dans sa campagne présidentielle merdique de 2007. Et ça s'est réitéré. Le soralisme ou le marinisme, c'est qui, ma foi, ça me survient un petit peu au même. Hein. Ouais, mais le problème, c'est que ça marche aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que si tu singes les politiciens républicains ou les politiciens de gauche ou du centre mou, bah, les gens ils vont dire « Bon, bah, si c'est ça, je vais plutôt voter pour l'original plutôt que pour la copie. Je ne vais pas aller chercher au Front National la logorée républicaine LGBT-compatible ». Et franc-maco compatible, alors que j'ai déjà les vieux pourris du système en place qui, eux, m'ont donné tous les gages à ce sujet. Je veux dire, c'est... Bon, je caricature, évidemment, mais c'est pour bien faire comprendre l'idée, quoi. Mais, ceci étant dit, je veux dire, moi, j'ai donné mon sentiment sur cette élection. C'est-à-dire que moi, j'accable d'abord et avant tout les électeurs. Parce que, en dernière instance, il y a deux options. Le système est actuel est bâti comme ça, t'as deux options au deuxième tour. Donc, de toute façon... c'est comme Clinton-Trump, je veux dire. Tu peux rentrer dans le truc en disant ouais, c'est Trump, c'est pas Adolf Hitler, j'ai pas tout ce que je veux, etc. Bon, oui, enfin, en dernière instance, faut faire un choix. Bon, pour moi, je veux dire, si t'as deux neurones et que tu votes pas Le Pen et que tu votes Macron, tu mérites juste de crever de la syphilis ou du choléra, hein, ou les deux en même temps, même. Je veux dire, c'est pas possible. Je veux dire, t'es pas humain si tu fais un truc comme ça. Honnêtement. Pour tous les critères que j'ai donnés avant, enfin, sur n'importe quel critère que tu prends, en fait. Elle peut être merdique, Marine Le Pen. Son programme peut être à chier, tu vois, je veux dire. Mais chacun comprend, enfin, ceux qui ont trois sous du jeu ont bien compris que Macron, c'est le macro avec Attila, c'est-à-dire Attali, c'est vraiment l'apocalypse, je veux dire. Faut pas faire ça. Et ils l'ont fait. Donc, même si elle est nulle, il fallait voter Front National, et les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils n'ont pas voté Front National. Tu vois ? Bon. Mais je reste sur mon truc, hein, de fond. Hein. Après, faut quand même rentrer dans le truc politique, parce que c'est sur la suite, c'est là que c'est intéressant, c'est là que c'est important, de dire, bon, bah voilà, Marine Le Pen, Florent Philippot, le FN marinisé nous avait dit, bon, avec notre stratégie, vous allez voir. Alors, je peux pas leur dire que ça progresse pas, ils ont progressé en termes de voix, c'est un fait, c'est un record absolu pour le Front National. Donc, c'est un argument, on peut pas dire que c'est faux. Par contre, je pense que en termes de limitation, c'est très réel à ce stade. Et surtout pour nous, maintenant, tiens, faisons pousser la discussion, enfin, amenons la discussion là-dessus. C'est concrètement, la France est en train d'être négrifiée à vitesse grand V, comme l'Europe de l'Ouest. Fulbert a dit, je trouve ça très, très juste, et c'est ce que je disais même à l'instant, quoi. Je veux dire, la démocratie, c'est le règne de la majorité, enfin c'est 50 plus 1, quoi. Et il est évident, tout le monde peut le constater, qu'une majorité n'est pas... enfin, entre une majorité et l'intelligence, il y a un très grand fossé, quoi. Et face à ce pourrissement absolument incroyable, enfin l'invasion des nègres, l'islamisation totale de l'Europe de l'Ouest, quoi, qui est pilotée par le gouvernement, en Allemagne, en France, avec des migrants dans les villages, mais dans des villages, ils les foutent dans des hôtels, ils les foutent dans des châteaux, devant les gens, c'est dans la presse, c'est dans la presse locale, c'est dans les titres régionaux, etc. Les gens le voient, les gens le savent, c'est partout, c'est même pas caché, c'est pas un complot, c'est ouvert. Et là, on se dit, pour ceux qui veulent vraiment faire bouger les choses, je pense que c'est notre cas, je pense qu'on peut quand même entamer une réflexion sur, ok, à quoi sert le Front National, maintenant ? Rien. On peut poser la question, je veux dire, ok, ils ont rassemblé des voix, mais au final, ils vont avoir combien de députés ? Bon, les projections disent entre 15, 25, maximum 40. Alors vous allez me dire, ouais, mais la conquête du pouvoir, machin, oui, mais la conquête du pouvoir sur quelles idées ? Les idées de l'ennemi ? En disant, on n'est pas, je suis pas raciste, il y a combien de connards du Front National qui soutiennent le Front National ? Mais je suis pas raciste. Ah bon, bah alors ça sert à quoi de voter Front National, alors ? Exact. D'ailleurs, ça sert à rien, je veux dire, si t'es pas raciste, si tu dis je suis surtout pas raciste, etc., bah, c'est quoi la différence qualitative avec le Parti Socialiste ? Parce que pour moi, raciste, de toute façon, c'est un truc qui est piégé, mais moi je l'assume totalement, ça me dérange pas. Parce que, on a bien compris, antiraciste, ça veut dire anti-blanc, tout le monde l'a pigé. Raciste, ça veut dire pro-blanc. J'estime que défendre les blancs dans leur terre ancestrale, c'est acceptable, donc être raciste en Europe, pour moi, c'est un pléonasme. Je veux dire, si t'es blanc, tu défends ton peuple en Europe, ça me paraît logique. Donc oui, j'assume totalement ce qualificatif. Donc si tu utilises la rhétorique antiraciste comme le fait le Front National actuellement, alors je comprends, c'est de la tactique, etc., d'accord. On n'a pas le temps. Ouais, le temps, mais le temps, tu sais, les événements précipitent tout ça, parce que faut pas se dire que ça va se passer pendant 30 ans comme ça s'est passé les 30 dernières années, hein. Ça va être beaucoup plus... Non, mais attends, je veux bien, mais je veux dire 2022, c'est terminé. Dire 2022, non, mais c'est jamais terminé. C'est jamais terminé. Ça, c'est... Non, c'est pas vrai. Non, mais en 2022, la solution politique ne passera plus par l'élection du président de la République. Bah déjà, moi, si tu veux, ma conviction, c'est qu'elle passe à peine par le président de la République, parce que de toute façon, les mecs ne veulent pas. C'est une question de volonté. Moi, je pense que c'est toute une question de volonté. Si tu veux, tu peux. Mais il faut vouloir. Il faut la volonté. Parce que bon, je pense qu'on est dans une crise de la volonté, de toute façon, en Occident, dans une crise de la volonté. C'est exactement ça, on est dans une crise de la volonté. En fait, on est... Marine Le Pen, c'est une femme. Oui, je sais bien. C'est... Et tu dis, en fait, elle ne fait pas d'offensive. Et c'est clair que le débat nous a montré qu'elle ne savait pas ce que c'était que l'offensive et qu'elle était dans l'agression d'une bonne femme qui te fait chier pareil, parce que t'as pas fait la vaisselle à temps. Non, mais c'est, moi, c'est, j'ai perçu la chose comme ça parce que elle n'a jamais eu à conquérir quelque chose. Elle n'a fait que se défendre depuis qu'elle est toute petite. Déjà, elle a dû se défendre pour assumer son nom. Elle a dû se défendre en tant qu'héritière. Donc, elle ne sait pas ce que c'est que la conquête. Et Macron, je crois, a eu une phrase comme ça. Il lui a dit « Moi, je suis le candidat de la conquête et vous êtes le candidat, la candidate de la défaite. » Je crois qu'il a dit ça. Bah oui, enfin, il a sonné, je veux dire, Macron, faut pas non plus qu'il se raconte trop de conneries, parce que lui, il va, je lui prédis un destin assez sinistre, ce pauvre Macron, c'est la dinde candidate pour Noël, Macron, je crois. Ouais, mais... alors, c'est dans le dernier roman d'Overton, là, Guérilla, le président sortant finit mort enculé par des racailles. Bah écoute, lançons-nous là-dedans. Qu'est-ce que vous entrevoyez pour la suite ? Peu importe quelle suite, peu importe quel sujet, bon voilà, l'élection est torchée, la finance internationale, les juifs ont ce qu'ils veulent, bon, formidable, les bougnoules ont ce qu'ils veulent, l'UOIF est contente, les frères musulmans sont contents, toute la semaine a fait... ils sont tous contents, formidable, c'est bientôt le ramadan, donc je vous avertis que vous aurez quelques vagues d'attentats en France, ça va vous faire les pieds, chers électeurs macronistes, mais au-delà de ça, qu'est-ce que vous entrevoyez ? Peu importe la question, mais... C'est simple pour moi. Enfin, je pense que nos auditeurs sont familiers du concept d'anarcho-tyrannie. En fait, on va franchir une nouvelle étape dans l'anarcho-tyrannie. C'est-à-dire qu'il va falloir s'appuyer sur la masse immigrée, que les Français qui bossent et qui globalement respectent la loi vont se faire emmerder comme jamais par les services fiscaux. S'ils sont politisés par les services politiques, là je pense qu'on a atteint un nouveau degré dans la censure sur Internet. Ouais. Oui. On peut en parler de 3 secondes, il y a eu une vague de censure de comptes en masse, de pages Facebook et de comptes Twitter, qui ont été censurés ces dernières 24 heures, qui étaient en fait des comptes patriotiques ou pro-Front National ou qui critiquaient Macron. Hein. Donc voilà. C'est juste une aparté, mais c'est pour dire qu'effectivement, c'était inédit en France. Facebook, probablement sur des consignes d'ordre gouvernemental, est effectivement passé à l'action. Hein. Ouais, puis on n'a pas parlé des leaks, hein, mais il y aurait de quoi. Mais on n'a pas eu le temps de tout décortiquer, ça prend du temps. Moi-même, j'ai téléchargé ce qui était dispo, mais il faut des heures et des heures d'analyse à plusieurs, faut recouper les informations. Je pense qu'on le fera, enfin le milieu nation va le faire, j'ai vu qu'il y a sur F de souche, ça se faisait déjà un peu. Mais là, c'est clair, j'en parlais la semaine dernière, Macron veut revenir au concordat en incluant l'islam en tant que religion nationale, quoi. Donc bon. Ouais, mais c'est dans le. C'est clair. Mais ça, c'est pas lui, hein. C'est pas son idée à lui. C'est des gens qui le conseillent, qui le soufflent. C'est aussi des gens au sein de l'État. C'est le Qatar, etc. Mais là, il faut bien que les gens qui nous écoutent comprenez bien que, à bien des égards, Macron. C'est pire que François Hollande sur bien des points. Hein. Parce que Hollande était un homme du Parti Socialiste qui était limité par cette formation politique. C'est-à-dire, voilà, je ne peux pas faire non plus totalement ce que je veux parce que les militants peuvent me bloquer. C'était vraiment la culture du parti militant. Hein. Et puis le vieux fond laïcard, Hatzok, machin du PS qui faisait qu'il ne se sentait pas non plus de violer des tabous, de ce qu'il considérait comme des tabous. François Hollande, même s'il en a fait beaucoup, et même si très hypocritement il a soutenu beaucoup de choses en douce. Macron, c'est quelqu'un qui va se dire « je dois rien à personne », en réalité il doit tout à ses maîtres, mais c'est intéressant, et je veux le souligner, parce que quand il va faire sa politique là, de défense de l'islam, etc., quand il va vraiment se lancer là-dedans, et il va le faire plus que Sarkozy, hein. Sarkozy avait prétendu faire du multiculturalisme assumé, je pense que c'est Macron qui va en faire. il va faire ça à l'anglo-saxonne, il va être conseillé dans ce sens-là. Mais la grosse différence, c'est que Macron, c'est un type qui n'a pas d'appareil politique. C'est un type qui a été créé intégralement par la finance, par les juifs. Il a été intégralement créé par ça. C'est, d'une certaine façon, c'est la monarchie de droit divin, mais en inversé, si vous voulez. Et c'est le mec, vous voyez, ça vient d'en haut. Ça vient pas du bas. Alors que Hollande, bah, encore malgré tout, il fallait être candidat dans leur parti politique bidon, il fallait trouver un consensus. Et puis il y avait quand même, bon, ouais, 100, 150, 200 000 militants encartés. Puis ensuite, on fait une. Voilà, ils ont fait des primaires, etc. Bon, il y avait quand même du monde, un peu. Là, c'est complètement nouveau. C'est un mec, il tombe du ciel, littéralement. Il est soutenu par tout le monde. Hein. Barack Obama, Merkel, là, lui, c'est vraiment. C'est le. Dans le regard de la pouillerie qui nous gouverne, mais au sens occidental, hein, c'est un miracle, Macron. C'est l'anti-Jeanne d'Arc à sa façon. Ouais, vous voyez, c'est celui qui vient de sauver la France pourrie, quoi, en quelque sorte. Et le type va se dire, je suis le roi du monde. Je suis soutenu par tout le système. Ça marche, j'ai été élu. Ces salopards de fascistes vont voir ce qu'ils vont voir. Parce qu'on a réussi à gagner électoralement, mais maintenant il s'agit d'écraser définitivement la menace. J'ose pas vous dire les notes qu'il va recevoir de brillants esprits comme Bernard-Henri Lévy, Taubira, etc. en ce sens. Donc le mec va être pris d'une espèce de sorte d'hubris, va vouloir nous rouler dessus au Panzer, mais vraiment quoi. Plus que Sarkozy encore, il va être pris d'une folie des grandeurs bien plus grande que celle de Sarkozy. Ah bah non mais bien mais, pire. Et en plus, la grande différence, il n'aura pas de base. Et le gars, c'est là qu'il va se planter. C'est qu'il va, aller très loin, très vite, et là il va se gourer, parce qu'il y aura personne pour le soutenir. C'est ça le truc qu'il faut avoir à l'esprit, pour moi. Tu sais, dès qu'il va y avoir. Il va falloir taper sur 2-3 fascistes, entre guillemets, hein, ça va réunir tout le monde. Le front républicain, il sera réuni. D'accord, mais ça donne pas à bouffer aux gens, ça baisse pas les impôts des gens, ça fait pas baisser le chômage. C'est ça le problème, tu vois. Oui, mais les gens veulent être gentils. D'accord, mais très bien, mais il faut pas de gros pépins. Parce qu'attention, je veux dire, là, ils ont tous dit, ouais, on fait fond républicain, etc. Même Mélenchon, il a été mi-figue, mi-raisin, je suis désolé. Déjà, c'est nouveau. Regardez l'abstention, regardez les votes nuls, regardez l'attitude de Mélenchon, regardez l'attitude de tous ces trucs-là, de mecs qui sont... Attention, l'autre, il commence pas avec un chèque en blanc. Chirac, il avait été élu, je veux dire, mais c'est 82%, tout le monde contre lui, enfin, tout le monde avec lui, je veux dire, il a pu faire ce qu'il voulait. Là, le Macron, il commence, je vous dis, pas du tout dans les mêmes situations. Et le pire, Chirac n'a rien changé, n'a rien touché, n'a pas voulu tenter de trucs. Que plus tard avec le CPE, et c'est un truc mineur, et c'était Villepin pour être crédible à la présidentielle, il s'est complètement vautré, c'est un autre sujet. Macron, il va, par exemple, sur le droit du travail, je l'attends. Il va se dire, c'est bon, je vais tous les enculer, la CGT a voté pour moi, je vais les écraser. Vous voyez, ça va être intéressant. Quand il va arriver, etc. Parce qu'attention, je veux dire, les mecs, ils l'ont pas élu juste pour dire « Ah super, voilà, on a Macron, on n'a pas Le Pen ». Non, non. Le mec, il a été élu, ouais. Mais sur le bureau, il y a, vous savez, il y a une, comme on dit en anglais, il y a une to-do list, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une série de tâches à accomplir, et Macron, il va devoir faire le boulot. Et c'est que des saloperies. C'est que des saloperies. Donc, par exemple, t'as parlé, MacDav, de normalisation de l'islam. Bon, bah ça, oui, mais ça, à la limite, ça, c'est les... Ça, c'est les cacahuètes avant de commencer, tu vois. Mais il va y avoir l'immigration de masse qui va exploser, mais tu vas avoir le droit du travail. Alors, la discussion est ouverte, mais ceux à gauche qui défendent ce truc, ils vont se faire violer. Ça va être un... Non, en fait, là, c'est les vacances. Donc, ouais. On va pas trop manifester. Quoique, tu me diras, l'année dernière, à la même époque, on parlait quand même de fermeture de raffinerie. Bon, ça s'est joué subtilement et politiquement. Mais, je pense qu'en septembre, ça va être chaud. Hein, parce que vraiment, je pense pas que ça va être chaud. Il y a pour liquider. Ça, hein. Je pense même pas au mois de septembre que ça va être chaud. Je pense pas, parce que le mec dit tout le temps, ouais, la mode, oh, là, ça va être, tu vois, mais c'est tout le temps comme ça, ouais, ça va être chaud, puis après les fêtes de Noël, ça va être chaud, tu sais, mais à chaque fois, tu vois, tous ces gros cégétistes dégueulasses, tu vois, tous ces connards qui reviennent de leurs vacances, là, que ce soit les vacances d'hiver, vacances d'été, mais ils font de la graisse, qu'est-ce que tu crois, ils ont besoin de douiller. Je veux bien, mais en fait, si, on verra comment il va gérer le truc. Mais faut pas oublier qu'un permanent de syndicat, ça ne travaille pas. Ça travaille très très peu. C'est protégé. À partir du moment où la boîte est suffisamment grande, les syndicats sont des syndicats professionnels. Ah oui. Donc, si Macron commence à toucher à ça, il perdra, si tu veux. Parce que les mecs, ils n'ont plus à bouffer. Donc, ils vont pas trahir, tu vois. Pour quelqu'un trahisse, il faut quand même lui filer à bouffer. Moi, c'est pas les syndicats qui m'inquiètent du tout, tu vois, parce que... ça fait bien longtemps que ces gens-là n'ont rien à voir avec le peuple. Mais on va voir comment ça va se goupiller, mais je pense que ce type va croire être en mesure de faire ce qu'il veut. Je pense que c'est pas du tout le cas. Pas du tout. Bah, il va le faire par ordonnance. Oui, j'espère qu'il va nous faire le... Mais j'y crois pas tellement, parce qu'il va s'entourer de gens comme Bayrou, etc., ils vont faire ce que font tous les rats de sac. Ils vont dire, mais attends, non, mais il faut pas faire comme ça, parce qu'il faut dire... Il va faire du Chirac, etc., etc. Mais il a une... Macron, il est bien, moi je pense qu'il est bien. Hollande était pas mal aussi, mais Macron, il est bien, c'est le bon client pour mal finir, toi. C'est le bon client pour mal finir, Macron. C'est le bon client pour mal finir. Attends, on a quand même... Enfin, je sais pas, on a quand même eu Hollande, Calais, Léonardin... Ouais. Remarque, sous Hollande, Léonardin, c'est vrai que ça commençait fort, mais il faut quand même remarquer que sous Hollande... Et Calais, Calais, ça a été quelque chose, excuse-moi. Oui, c'est vrai, mais Hollande, son truc a vraiment spectaculairement commencé à s'effondrer à partir de 2013-2014, en fait. Ah, moi je pensais à partir du début. Oui, à partir du début. Du moment où il a pris la foudre sur l'avion, quoi. Oui, c'est vrai. À partir du moment où il a défilé avec Merkel, elle lui a dit tu te mets là, et il s'est mis là. Tu marches. Oui, marches, c'était ridicule. T'arrêtes. Non, mais c'est assez bon. Alors, du coup, Magic System, les gars, au Louvre, hein, pour la victoire. Ah ouais, c'est les rois d'aigre, quoi. C'est alors, pour ceux qui ne savent pas Magic System, on met un petit extrait quand même, hein, pour qu'ils découvrent avec nous, voilà, Magic System. Voilà, alors, le nouveau roi de France, au Louvre, hein, un des plus grands musées du monde, par ailleurs un ancien palais royal, Magic System, Macron, sous les bons auspices d'Atali. Je crois qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter. Hein. Ça pourrait être une caricature de Der Stürmer, hein, un truc comme ça. Hein. C'est... Pratiquement, je crois. Hein. Oh là là, mes aïeux. À la semaine prochaine, chers amis. À plus. Quel est le genre d'homme que vous aimez le plus? Le constructeur. Et que vous détestez le plus? Le destructeur. Le constructeur, c'est l'arien, le destructeur, c'est le juif.